C'est vrai qu'on m'a fait comprendre aussi, oui, mais si tu te blesses, t'auras pas de carrière dans le patinage. Je salue les sportifs qui arrivent à concilier les études et la compète, franchement. J'étais ambitieuse, je voulais progresser, je voulais même monter, j'étais prête à monter dans l'équipe élite. Je me suis barrée et en fait j'ai découvert un film génial. Il y avait des meufs tellement barrées et tellement plus barrées que moi et tellement plus ambitieuses que moi que ça m'a dégoûtée. Donc je suis quand même à tomber amoureuse du roller à ce moment-là. Je lâche la glace, ça me gonfle. Le truc que j'ai kiffé le plus en quad, c'est freiner. Puis c'est à ce moment-là que j'ai vraiment découvert en fait la qualité du matériel, que je m'y suis vraiment intéressée. En fait, j'ai vu les quads artistiques qui étaient quand même pas fichus pareil. Ah ouais, grave. Et j'adore ce côté-là du patinage artistique parce que c'est hyper stratégique. Ton programme, moi, mon programme, je le prépare un an à l'avance, quoi. Oh putain, ça a été l'enfer. Une catastrophe. Parce qu'il n'y avait aucune info sur Internet. Premier essai avec les inan artistiques, ça a été la révélation, quoi. Mais vraiment, incroyable. Je me suis sentie sur la glace. Nous sommes le jeudi 20 mai 2021, bienvenue sur Balade Roller, le podcast de Roller en ligne. J'ai le plaisir donc aujourd'hui de retrouver Priscilla, qui était ma binôme quand on parlait de la série Derby Girl. Et aujourd'hui, on va pas parler de derby, mais on va faire ce que j'appelle le portrait de patineur ou le portrait de patineuse, donc qui aujourd'hui va être plutôt orienté vers le roller en ligne artistique, ou le roller artistique en ligne, je crois que c'est plus comme ça qu'on dit. Salut Philippe, et on peut dire le roller en ligne artistique, c'est plutôt ça d'ailleurs. Ouais, ah d'accord, moi je pensais que c'était le roller artistique en ligne, mais ok, voilà, j'en apprends. Les deux fonctionnent honnêtement, mais il n'y a pas vraiment de règles là-dessus, donc... Ok, et à l'américaine on dit comment? Je crois que c'est inline figure skating. Ah mince, ok. Donc voilà. Ok. Bon alors comme je le disais, tu fais du roller en ligne artistique, mais tu fais aussi plein d'autres choses. T'es très présente sur les réseaux sociaux, tu fais aussi des créations artistiques autour du roller, comme notamment des vêtements ou des objets personnalisés. Ouais. Je crois que tu fais des mugs par exemple, non? T-shirt, mug, ouais. Coque de téléphone portable, il y a vraiment de tout, donc c'est ça qui est génial. Ouais. Ouais. Et tu écris aussi énormément d'articles sur le site Roller en ligne. Ouais. Enfin, ouais. Bref, tu vis roller, tu baignes dans l'univers du roller. Complètement. Mais est-ce que tu fais autre chose de ton temps libre? Oui, alors bah... Ça te bouffe beaucoup de ton temps, je suppose, le roller. Ouais, oui, forcément, ça prend beaucoup de mon temps. Comme je suis dans l'art, je suis enseignante en art plastique en collège. Je suis passionnée par, effectivement, tout ce qui est bricolage, graphisme, illustration, donc, et la musique aussi, j'adore la musique. Donc je joue un peu du ukulélé, du piano... et récemment de l'ocarina, c'est génial comme instrument. Ah ouais. Je sais pas si tu connais, mais c'est très chouette. Si l'ocarina, il y a eu, c'est une espèce de boule ronde, c'est ça là? Alors ça prend toutes les formes en fait, mais c'est une sorte de flûte en terre, quoi, en terre cuite. Flûte en terre. Ouais. Ouais, ouais, c'est très chouette, voilà. Et si dans les années 80-90, il y avait un groupe. Il y a une musique là, qui était sortie, Ocarina, oui, effectivement. Voilà, et Ocarina. C'est plus connu par rapport à Zelda aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi, Ocarina of Time, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mmh, ouais, ouais. C'est ça. Alors, j'ai jamais eu de Nintendo chez moi, mais je connais quand même mes classiques. C'est ça. Bon, après, c'est vrai que moi, je suis pas partie là-dessus. À l'origine, en fait, je suis une passionnée de jeux de rôle. Et j'avais un GN, un jeu grandeur nature. Ouais. Qui était prévu avec des copains, et je devais jouer le rôle d'un barde, donc je me suis dit, il me faut un petit instrument de musique ouais. Très simple et d'époque un peu, parce que Moyen-Âge. Et donc, le truc simple voilà, que j'ai trouvé, effectivement, c'était l'ocarina, et puis je suis tombée amoureuse de l'instrument, en fait. Ouais, le son est sympa. Hein, c'est... Le son est super, super agréable. C'est pas une flûte, tu sais, la flûte qu'on faisait au collège. Ah oui, qui. La flûte qui est... à bec avec un bruit insupportable. Non, non, c'est la... ça, ouais. Super aiguë, affreuse, ouais. T'as la guimbarde aussi, qui est ouais, sympa. J'en ai aussi une, ouais. C'est rigolo. Ouais. Mais c'est moins. Voilà, tu peux moins faire de musique avec, quoi. Ouais. Sur un instrument alors... vraiment intuitif. Ouais. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, s'il te plaît? On a déjà fait rapidement, là. Bah alors, rapidement, donc je m'appelle Priscilla Arguimbaud, j'ai 32 ans, je suis mariée, je suis patineuse donc depuis 1995, je suis donc entraîneur et compétitrice de roller en ligne artistique, et je suis enseignante en art plastique, voilà. D'accord. Et tu n'as pas dit, mais enfin, si on l'a dit tout à l'heure, mais rédactrice et serial testeuse sur roller en ligne. Voilà, serial testeuse. J'adore ce mot. C'est vraiment ça. Ouais. Et puis bon, bah maintenant, on va passer dans le gros de l'interview. Donc, c'est-à-dire que tu vas me raconter ton parcours, tes expériences de patinage. Voilà, ta vie dans long. Le patinage. Ça va être très long. Ça va être long. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais essayer d'être assez synthétique. Et puis, si tu as des questions, voilà, arrête-moi en cours. Bah, c'est ce que je vais faire. Mais justement, on va... Ouais. Soit fais comme tu veux. Mais effectivement, on a le temps. On est dans un podcast. On a tout le temps qu'on veut. Ouais. Au pire, on pourra le faire en deux périodes. Enfin... Oui, voilà, on pourra couper au milieu. On a tout le temps, que on coupera, ouais, bah, les gens qui écoutent sont, ils peuvent couper au milieu, ça c'est sûr. Mais même nous, on pourra éventuellement faire une pause et reprendre à un autre moment de ta vie. Voilà. Et bah donc, voilà, comment t'as découvert le patinage? Je crois que c'était pas le roller au début. Ouais, non, j'ai commencé par la glace, comme beaucoup de patineurs en ligne artistique. Où effectivement, j'ai commencé d'autres sports avant. Hein. Mes parents voulaient vraiment que je pratique une activité sportive en dehors de l'école. Et donc moi, pour la première fois, j'ai commencé avec de la gym. J'ai détesté, j'avais le vertige, hein, donc c'était mal parti. Et puis j'ai vu Surya Bonaly, en fait, à la télé. Alors je sais plus pourquoi, c'était très certainement au premier JO de ma vie, les JO d'hiver, où effectivement j'ai vu Surya Bonaly et je l'ai trouvé tellement extraordinaire, j'ai trouvé son patinage magnifique, d'une puissance, tu vois, j'ai dit à ma mère, je veux faire ça, quoi, c'est ce que je veux faire, et puis voilà, j'avais 6 ans, quoi, donc... J'avais essayé d'autres sports avant, comme je te dis, la gym, j'avais essayé le ping-pong, le tennis de table, parce que mon grand-père tenait le club à ce moment-là de la ville dans laquelle j'habitais, et j'ai pas du tout accroché, les sports de ballon, c'était pas mon truc non plus, mais voilà, j'ai vu le patinage à la télé, et je me suis dit, c'est ça, voilà, c'est ça ou rien d'autre. Ouais, alors c'est marrant, parce que en fait... Tu dis la puissance de Surya Bonaly, et effectivement, Surya Bonaly, c'était vraiment la puissance, ouais. Et au détriment de la grâce, en fait. Oui et non, parce qu'elle reste quand même très gracieuse, mais oui. Il y a ce côté performance, en fait, que je trouvais magique chez elle, vraiment, quoi. Elle patinait comme un mec, quoi, hein, vraiment. Elle avait pas un patinage super féminin, et moi, c'est ça qui m'a vraiment marquée, et voilà. Et puis, mes parents m'ont emmenée... m'a emmené dans la patinoire de Clermont-Ferrand, parce que j'ai commencé là-bas, j'habitais là-bas à l'époque. Et puis, j'ai chaussé mes patins pour la première fois, je m'en souviens très bien, hein, de ma première fois sur glace. Puis, ça glissait tout seul, quoi, et sans aucun problème. Alors, au début, il m'avait installé sur un petit parcours, comme on fait beaucoup pour les débutants. Bah, le petit parcours, il était trop facile pour moi, quoi. Donc, ils m'ont dit, on va te changer de groupe, hein, parce que... Mais t'avais jamais patiné avant ? J'avais jamais patiné, j'avais jamais mis les pieds sur la glace. Jamais, mais jamais. Jamais, mais il y avait une facilité, en fait. Il y avait une facilité tout de suite, voilà, à peine montée sur la glace. Donc, ils m'ont fait rentrer dans le groupe supérieur tout de suite, en fait. Donc, je me suis retrouvée avec des filles un peu plus grandes que moi. Mais voilà, j'avais cette petite fibre-là, cette facilité sur glace tout de suite. Et donc j'ai fait ma première année là-bas, j'ai passé mes premières médailles de glace. Donc pour résumer, les médailles de glace, c'est des tests hein, de niveau en fait. Et donc j'ai déménagé l'année suivante sur Bordeaux, mes parents voulaient changer de région, donc voilà, j'ai pas eu le choix, mais j'avais vraiment envie de continuer le patinage, et par chance il y avait une patinoire pas très loin de chez moi, donc j'ai pu continuer là-bas. Donc j'ai fait une année un peu compliquée, je dirais même une demi-année un peu compliquée, parce que au niveau du matériel, contrairement au club de Clermont-Ferrand qui prêtait des patins de qualité déjà même aux débutants, j'étais obligée de patiner avec des patins en plastique de location. Et j'ai vraiment eu l'impression, si tu veux, de ne plus savoir patiner avec, quoi. C'est assez catastrophique. Ah ouais, à ce point-là, telle différence entre ces patins. Ah ouais, terrible, terrible. Et puis les lames n'étaient pas affûtées, donc c'était une catastrophe, ça accrochait pas. Donc ça a été un peu laborieux au début. Puis ma mère m'a très vite acheté des patins d'occasion, mais des vrais patins artistiques. Et donc j'ai pu regagner le niveau que j'avais au début, à mes débuts. Et en fait, les entraîneurs m'ont tout de suite fait passer dans ce qu'on appelle le groupe de détection, qui est en fait du pré-compétition, si tu veux. Et puis l'année suivante, la saison suivante, je suis rentrée en compétition régionale. Donc oui, ça a été très rapide. Donc mes deux premières années, j'ai pas fait de compétition, et tout de suite mes 7-8 ans, hop, c'était parti, compète régionale, et très vite je me suis améliorée et on m'a montée en nationale, et donc j'ai pu faire partie du groupe élite, si tu veux, de la patinoire à l'époque, ce qu'on appelle le groupe qu'on appelait le groupe Pôle Espoir, en fait, hein. C'est vraiment du patinage à haut niveau, parce que si tu veux, dans un club, bon, ça fonctionne comme ça un peu dans tous les clubs, il y a des groupes de détection de compétiteurs, et ensuite donc on te propose du haut niveau. Donc je suis montée en national à 20 heures d'entraînement par semaine. Ouais, c'est ça, ça fait... Ouais, c'est beaucoup, c'était tous les jours. Hein. À quel âge t'étais en national ? Je devais être en national à 8-9 ans. Classe. 8-9, ah ouais, c'est très tôt, oui. Ouais, 8-9 ans, sachant que le patinage a évolué, hein, il faut recontextualiser aussi, on était dans les années 90-2000. Dans les années 90-2000, il n'y avait pas autant de divisions que sur glace aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que ça va jusqu'à 4 divisions. Moi, à l'époque, il n'y avait pas deux divisions, hein. Il y avait régional et national. Donc c'était plus facile de rentrer en national à l'époque. Mais c'était déjà bien. Et puis dans le club dans lequel j'étais, comme c'était un club qui avait cette capacité d'avoir un pôle espoir, si tu veux, on avait vraiment une structure dingue, en fait, hein, pour pouvoir nous entraîner. C'est-à-dire qu'on avait des entraînements de patins, on avait une salle de sport, donc on avait du renfort musculaire, de la PPG, hein, ce qu'on appelle aussi. On avait des cours de danse, on avait des cours de théâtre, c'était génial, quoi. Une structure vraiment parfaite pour le haut niveau, quoi. Et puis je suis arrivée à un très bon niveau, et on a fini par me dire, Priscilla, il va falloir maintenant que tu fasses un choix entre l'école et le patinage, parce que si tu veux continuer à haut niveau, tu n'as pas le choix, quoi. Il va falloir soit que tu prennes des cours à distance, soit que tu arrêtes complètement, que tu sois déscolarisée. Et moi, c'était pas du tout ce que j'avais comme objectif. Donc, quand on te dit à 11-12 ans, il va falloir que tu choisisses, c'est hyper dur, quoi, parce que c'est ta passion. Disons que je passais presque plus de temps à la patinoire qu'à l'école, très honnêtement. Ça a été une enfance un peu compliquée parce que j'avais du mal à me faire des copines à l'école. En fait, mes copines, elles étaient à la patinoire. Hein. Et quand on te dit, soit l'école, soit la patinoire. Et moi, j'ai toujours eu envie de faire des études. Hein. Donc, effectivement, quand on te dit à 11-12 ans, faut que tu arrêtes les études et continue le patin. Ouais, bon, j'aime le patin, mais est-ce que je l'aime à ce point-là aussi ? Mais c'est ça, c'est exactement ça. Alors, comment t'as fait pour prendre ta décision ? Je pense que mes parents m'ont un peu poussé aussi dans la direction, dans les études, parce que, et ils avaient raison, hein, quelque part, je me suis retrouvée assez loin de la patinoire, parce que au début, si tu veux, quand je suis arrivée sur Bordeaux, j'étais pas loin de la patinoire, j'étais à un quart d'heure en voiture de la patinoire, sauf que mes parents ont fait construire une maison, mais à 45 minutes de la patinoire. Donc là, ça c'est vraiment compliqué, parce que gérer le collège le matin, aller à la patinoire, revenir à la maison. Enfin, ma mère faisait les trajets, hein, donc elle a été super pour ça, parce qu'elle m'a vachement soutenue. Mais mes dernières années de patin sur glace, c'était me lever le matin vers 4h30 pour aller à la patinoire, faire un entraînement de 2h, revenir à la maison, prendre le bus, aller au collège, revenir du collège. Tu vois, c'était vraiment hard, quoi. Et la fatigue, cette démotivation, elle s'est faite un peu naturellement aussi, si tu veux, parce que... Et puis le risque de la blessure aussi, c'est vrai qu'on m'a fait comprendre aussi, oui, mais si tu te blesses, t'auras pas de carrière dans le patinage. Mais voilà, ouais. Et c'est une vérité. Mais... Voilà. Ouais. Et donc, t'as arrêté complètement le patinage ou tu continues à en faire un petit peu ? Non, j'ai complètement arrêté pendant plusieurs années, ouais. En fait. J'avais pourtant même de temps en temps, quand la saison sportive était off, d'aller quand même en séance publique, tu vois, m'amuser un peu, y aller avec les copines. Mais là, j'ai même plus eu envie du tout, en fait. Ça a été très difficile les dernières années, bon... Quand je faisais encore de l'artistique, parce qu'il faut comprendre aussi que j'ai fait plusieurs disciplines à cette époque-là, j'ai commencé par le patinage artistique. Hein. Le patinage artistique en solo, c'est ce qu'on voit le plus souvent à la télé, c'est avec des sauts, des pirouettes, etc. Et mes dernières années, comme j'avais plus trop envie de sauter, j'étais passée en danse sur glace. Mais la danse sur glace, à l'époque en tout cas, il n'y avait qu'un circuit national, il n'y avait pas de chance d'aller de toute façon à l'international, à moins d'être en couple, donc de patiner avec un garçon. Et dans mon club, il n'y avait que deux garçons qui étaient déjà en couple, si tu veux. Donc, c'était une carrière solo au mieux en national, donc j'avais de toute façon pas plus d'avenir que ça. Et donc, je me suis dit, bon ben, autant arrêter, quoi. Et puis l'entraîneur était pas super non plus, quoi, parce que c'est bien, elle venait, elle se levait, mais elle n'était jamais sur glace. Ça, c'est un truc, tu vois, que j'arrive pas à comprendre, les entraîneurs qui patinent pas. Ouais. Elle nous corrigeait pas, et puis elle passait 2 heures sur le bord de la piste à fumer sa clope et à discuter avec des parents. Donc il y a un moment où j'ai dit stop, parce qu'il y avait plus de vrai suivi. En tout cas, en danse, hein, ce qui n'était pas du tout le cas en artistique, mais en danse, j'avais plus le même suivi, j'avais plus la même motivation. Et puis, me lever à 4h30 du matin, autant te dire que c'était hard. Bah oui, c'est... Même quand t'es petit, hein, je veux dire, même quand t'es petit, parce que scolairement, c'est lourd aussi. Hein, faut assumer après toute la journée à l'école. Donc, ouais, tout ça, en fait, ça a fini par me dégoûter, par me démotiver, et j'ai arrêté, quoi. Et comme j'habitais à la campagne, et ben, je me suis dit, je ferais d'autres choses, et puis je rêvais de faire de l'équitation, donc j'ai fait quelques années d'équitation. Voilà. Mais ouais, mon adolescence, après, était un peu compliquée. J'ai été fâchée un peu avec le patin pendant un moment, ça m'a pas trop manqué pendant toute mon adolescence, en fait, puisque j'ai fait plein d'autres choses. Tant mieux. Alors, comment tu es ensuite revenu au patin ? Alors, en fait, il s'est passé un petit truc à un moment. Il y a eu un hiver où il a gelé. Et dans notre jardin, il y avait un petit bassin avec des poissons. Et ce petit bassin avait gelé. C'était suffisamment épais pour que je puisse marcher dessus. Et en fait, ce jour-là, je me suis dit, oh, je vais ressortir mes vieux patins et puis je vais essayer. Et en fait, j'ai ressorti mes vieux patins qui m'allaient beaucoup trop petits, évidemment. Ouais. Donc, avec les pieds recroquevillés dedans et tout, j'ai réessayé. Et en fait, j'ai kiffé, quoi. Et je me suis dit, oh, putain, c'est quand même génial le patin. Et j'avais pas plus perdu que ça, si tu veux. J'ai retrouvé les sensations, c'était génial. J'ai adoré, quoi. Et du coup, je me suis racheté une paire d'occases, un peu trop grande pour le coup. Et je suis retournée quelques fois pendant mon adolescence, mais vraiment juste pour le fun, en séance publique, quoi. Mais c'est vrai que, bon, voilà, c'était juste ça. Et, Et puis je comptais pas reprendre sérieusement parce que la patinoire était vraiment trop loin et puis j'étais dépendante de mes parents donc j'avais pas de voiture pour y aller. J'avais pas vraiment envie de reprendre la compétition non plus, j'en avais fait assez. Donc quand j'étais en national, c'était toutes les 2 semaines les compètes, donc tu morfles hein, un peu hein, en termes de stress et tout, faut gérer quoi. Donc effectivement non, jusqu'au lycée, bah surtout au lycée si tu veux, parce qu'au lycée, j'étais au lycée d'Arcachon, et Arcachon et Bordeaux, ben bah, il y a bien 60 minutes de trajet, donc c'était même plus envisageable en fait. Et puis se concentrer pour le bac et tout, ouais non c'était devenu trop compliqué. Je salue les sportifs qui arrivent à concilier les études et la compète, franchement. Ils sont super forts. C'est sûr que c'est vraiment pas évident. C'est le double de pression, quoi, parce que t'as la pression pour ton avenir, mais t'as la pression dans ton sport aussi, dans ton loisir. Donc c'est très fort, quoi. Voilà. Et donc, bah, j'y suis revenue après. Après, en tant qu'adulte, en fait. Hein. Tardivement, finalement, parce que... En tant qu'étudiante, bah, tu prends ton indépendance et puis t'as envie de nouveau de faire des activités. Et jusque-là, j'avais fait d'autres activités en compétition. J'ai fait un peu d'équitation en compétition, j'ai fait un peu de l'athlétisme en compétition. Tu es championne de Gironde d'athlétisme en vitesse, c'est quand même cool. Ah, en vitesse, c'est-à-dire en 100 mètres 50 mètres. 50 mètres à l'époque, parce que j'étais petite. J'étais pas senior, hein. Ouais. Et en équipe aussi en relais. Ah, d'accord. De Gironde, ouais. Trop fière. Bah ouais. Le patin m'a vachement aidée hein, là-dedans parce que l'athlétisme, j'en ai fait fin du collège en fait. Et comme j'avais une très très bonne condition physique et des bonnes cuisses bien puissantes, si tu veux. Bah, le sprint, c'était hyper facile. Je me suis rendu compte de ça, si tu veux, en EPS au collège, parce que je battais tous les garçons en sprint, quoi. C'était super drôle. Et, mais les garçons étaient dégoûtés, quoi. Et mes profs de PS m'ont tous dit « Non, mais Priscilla, faut que tu fasses de l'athlétisme, là. » Donc j'ai dit « Allez, je vais tenter l'athlétisme. » Et puis ça a été assez fun. Et du coup, bah, j'ai dû arrêter parce que le club a fermé, malheureusement. Donc... Pas de chance. Pour le coup. Ouais, moi, j'étais pas destinée à ça, en fait. Ouais, bah, je crois que c'est toute l'histoire de ta vie, hein, les clubs qui ferment. Bon, bref, voilà. Et après, j'ai fait d'autres trucs. Hein. Bon, en même temps que je faisais du patinage, je faisais du théâtre, de la danse classique. J'ai essayé le judo. Moi, j'ai détesté, je me suis éclaté le dos. La danse polynésienne, pendant un petit moment, j'ai bien aimé. J'ai fait partie d'une asso polynésienne. C'était très chouette quand j'étais étudiante. Et puis, un peu de musique, piano, un petit peu. Voilà. Mais ouais. Et en fait, en tant qu'étudiante, voilà, donc je disais, j'en reviens à ce que je disais, je me suis retrouvée indépendante et j'ai eu grave envie de reprendre le patinage. Donc je me suis renseignée parce que du coup, je me suis retrouvée dans le centre de Bordeaux, pas loin de la fac, du coup. Et pas loin de la patinoire, forcément. Ah bah oui, tant mieux. Ouais. Donc, ouais. Ça tombait très bien. C'est ça, t'as envie de retourner aux sources. Alors, mon ancienne patinoire, elle était sur la pente descendante parce que elle s'était très mal gérée. Et en fait, ils ont fini par fermer, malheureusement. C'est hyper triste. Parce que le coût d'une patinoire, comme on le sait, c'est très cher. Et bah, ça finit par coûter cher à tout le monde et les mairies, sur le budget, la patinoire, ça rapporte pas assez et ça coûte trop cher. Bah c'est bien sûr, ouais. Non mais c'est ce qu'on disait avec lors de ma dernière interview avec Nomad Nantes, ouais. Nomad Shop Nantes, qu'il faut s'investir dans son club et pour éviter justement que ça ferme. Ouais. Bon, alors là, parce que si c'est mal géré, effectivement, ça ferme. Effectivement, il y a plein de choses à prendre en compte dans un club. Hein. Donc voilà. Et c'est en 2010 que je me dis, allez, j'ai la patinoire pas très loin. J'hésitais avec la danse et tout, mais le patinage, ça me manquait vraiment trop. Puis j'avais toujours mes vieux patins d'occasion que j'avais rachetés qui étaient un peu trop grands. Ouais. Ils étaient plutôt en bonne condition. Je me suis dit, bon, allez, pour faire un peu un peu de loisirs, un peu fun. J'étais pas du tout partie pour reprendre la compète, en fait. Et j'avais envie de me dire, donc, soit refaire de la danse sur glace, soit de la synchro. Et en fait, je me suis inscrite en synchro, quoi. Et j'avais fait un essai, effectivement, dans mon ancien club. Sauf que dans mon ancien club, ils proposaient que de l'artistique. Et dans un groupe ado-adulte, qui était pas hyper fun. Et c'est pas trop ce que je recherchais. Puis à ce moment-là, en tant qu'adulte, j'avais quoi à ce moment-là? J'avais 20 ans, 21 ans. J'avais un peu la trouille de me remettre à sauter sur les patins comme je le faisais avant. Et je voulais juste de la détente, tu vois, pas me mettre la pression à me dire faut que je sois au top physiquement et tout. Bref, j'étais pas du tout dans ces objectifs-là. Et puis la synchro, j'ai bien accroché, c'était sympa. Et en fait, on m'a fait rentrer dans une équipe qu'on appelle Mixed Age, c'est-à-dire c'est vraiment, tu vois, des niveaux assez hétérogènes et plutôt équipe loisir, mais on peut faire quand même de la compétition. Donc j'ai repris et puis j'ai bien repris finalement. C'était une équipe de combien de personnes ? Alors, les équipes de synchro, c'est entre 14 et 20 patineuses. Ouais. Et on devait être un peu plus de 14, je crois qu'on était 16, quelque chose comme ça. D'accord. Donc je me suis retrouvée avec des filles entre 14 ans et 21 ans. Voilà, j'étais une des plus vieilles de toute façon. Ouais, et le niveau des autres filles par rapport au tien, c'était quoi? Je te dis, c'était très hétérogène. Hein, donc, il y avait du débutant deuxième année de patinage, quoi. C'est ce que j'allais te demander, deuxième année de patinage, donc c'est vraiment... C'est vraiment le patinage de base, pas super super. Et puis moi, avec mon niveau... même si tu veux, quand je suis revenue, franchement, j'avais des bons restes, j'avais une belle qualité de glisse. Mais j'étais pas capable de ressauter ou quoi encore, quoi. C'était un peu trop hard. Et c'est vraiment en fin de saison où j'ai commencé à refaire des pirouettes, à ressauter un peu et tout. Mais à ce moment-là, je le faisais vraiment que pour le fun, quoi. Donc on a passé une super saison, en fait. Parce que pour la première fois dans le club, l'équipe Mixed Age a été championne de France. Ah, c'est cool! Donc, on a été championne de France Mixed Age à cette époque, c'était vraiment super. Donc, retour à la compétition et en plus un bonus sur le podium. Donc, c'était vraiment sympa. Mais c'est vrai que l'année suivante, j'ai pas voulu continuer. D'une part parce que l'adhésion à l'année était horriblement chère. Ouais. Et qu'en tant qu'étudiant, c'est hard, hein, clairement. C'est-à-dire, on dépassait les 1000 euros l'année. Hein. Donc moi clairement j'avais pas le budget et puis je m'entendais moyen avec les filles du groupe, puis surtout je me suis rendu compte que les sports d'équipe c'était peut-être pas trop mon truc, quoi. Ouais, c'est sûr que c'est pas toujours évident. Moi c'est le travail d'équipe, je sais que c'est pas mon truc de travailler avec d'autres personnes, je préfère le travail individuel. Les sports d'équipe, après ça, c'est à voir, quoi. En fait, le problème qu'il y avait, c'est que moi j'avais de l'ambition, j'étais ambitieuse, je voulais progresser, je voulais même monter, j'étais prête à monter dans l'équipe élite, hein. Franchement, je bossais à fond toute seule et tout pour récupérer un bon niveau, si tu veux, et entrer dans l'équipe élite. Sauf que c'était assez horrible. On m'a balancé dans la tronche que de toute façon j'avais pas le niveau. Et en fait que si, j'avais largement le niveau, mais c'est extrêmement fermé et les places sont très chères et le club était vraiment particulier, quoi. Donc ça m'a un peu dégoûtée et j'ai dit bon allez c'est bon, je lâche la glace, ça me gonfle, j'en ai marre. En plus ils sont pas sympas dans ce club. Bref, je me suis barrée et en fait j'ai découvert un film génial dont on a parlé. Ouais. C'est Bliss. Bliss. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai découvert le roller derby. Du coup, je me suis lancée là-dedans. Donc, nouveaux objectifs. Encore un sport d'équipe. Je me suis pas dit où la mauvaise idée. Non, mais en fait, je cherchais des filles ambitieuses comme moi, quoi. Et c'est vrai que dans un sport d'équipe, si les filles sont pas toutes ambitieuses comme toi, ça peut pas fonctionner. Hein. C'est très compliqué. voilà, on est, c'est tout le souci en fait, c'est que si vous n'avez pas le même but, ouais, c'est ça. Et bah c'est, ça marche pas. Ben, quoi, la mayonnaise ne prend pas. C'est ça. En plus, comme t'as vu, l'équipe était hyper hétérogène. Il y avait des petites de 14 ans qui faisaient du patinage depuis 2 ans, et puis moi qui connaissais la discipline depuis ma naissance ou presque. Et quand c'est papa maman qui paye, les filles elles viennent quand elles ont envie, c'est leur problème. Mais on est quand même une équipe de patinage synchronisée, donc si on n'est pas synchrone, voilà. Ça marche pas quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai dit stop. Roller derby c'était un peu plus individualiste, même si t'as un travail d'équipe si tu veux. Quand j'ai commencé le derby, ben, tout de suite j'avais le niveau de patinage, donc ça n'a pas été un frein du tout pour moi. Mais tu dois quand même travailler en équipe. Mais t'as des postes qui sont plus individuels que l'autre. Et moi en l'occurrence, voilà, on m'a mis un poste assez individuel qui est le travail de jammeuse. Hein. Donc c'est celle qui tourne toute seule et qui marque des points, quoi. Mais ouais, en plus, oui, donc c'est encore plus individuel que les bloqueuses. Ouais, ouais, les bloqueuses, elles n'ont pas le choix, elles sont obligées de travailler en équipe. Même si, en tant que jammeuse, si tu veux, tu as quand même un travail avec ton équipe parce que tu dois communiquer avec elles, tu as quand même des gestes, tu t'aides de tes bloqueuses pour passer les packs, etc. Ouais. Mais là, ce qui m'a le plus gênée, en fait, c'est la pression de l'équipe sur moi. C'est-à-dire que, bah en fait, comme t'es la seule qui marque des points, oui. Si t'en marques pas, on te tombe dessus, quoi. Voilà, si t'es trop fatiguée ou que ça va pas, bah forcément, bon, dans une équipe de derby, t'es pas la seule jammeuse, on est 2-3 en général, mais c'est quand même hard, quoi. Et puis c'est toi qui te prends tous les pets dans la gueule aussi, hein. Donc forcément, c'est pas le sport le plus agréable en soi. Non, mais... Mais à l'époque, bon, voilà, j'avais 21-22 ans, donc ça allait, j'encaissais les coups. Moi, j'aimais bien le côté un peu rock-spectacle aussi, je trouvais ça assez fun. J'avais de l'ambition, mais j'étais prête même à rentrer dans l'équipe de France, à faire les sélections. Je pense que j'aurais pu y rentrer à cette époque-là, parce qu'il y avait pas, il y avait moins de concurrence et moins de clubs qu'aujourd'hui. Mais en fait, il y avait des meufs tellement barrées et tellement plus barrées que moi et tellement plus ambitieuses que moi que ça m'a dégoûtée, mais d'un coup, quoi. Mais vraiment d'un coup, en plein milieu de la saison. En fait, on a fait un stage, si tu veux, à ce moment-là. Stage de sélection, équipe de France, tout ça, sur 2-3 jours. J'ai trouvé ça génial. J'ai fait le stage. Mais en fait, quand j'ai vu les meufs qu'il y avait, je me suis dit non, je peux pas, quoi. Alors pourquoi, qu'est-ce qu'elles avaient de différent de toi ? Ben, très très compétitive, mais dans le mauvais sens, si tu veux, dans le sens désagréable, dans le sens méchante, dans le sens brutal. C'est-à-dire que, voilà, enfin, elles auraient été prêtes à te faire un croche-patte pour que tu te blesses et que tu sois pas sélectionné, quoi, tu vois, c'est... D'accord, ouais, c'est pas du tout bienveillant, c'était... quoi. Non, c'était hyper mauvais esprit. En tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Je pense pas que tout le monde l'ait ressenti comme ça, mais c'était hyper agressif, quoi. C'était vraiment hyper agressif. Le sport est agressif déjà à la base, et les filles dans ce milieu le sont aussi. Il y a beaucoup... Voilà, c'est un esprit, hein, le derby, hein. C'est pas que du patinage, et c'est ça qui m'a dérangée. Moi, j'ai aimé le côté sportif, j'ai aimé le côté performance, mais tout le reste à côté, l'esprit derby, je pouvais pas, quoi. C'est... C'était vraiment particulier, quoi. C'était vraiment malaisant. Et mon mari... qui me suivait aussi dans le derby, hein, parce que sinon il me voyait jamais, hein, c'est simple. Hein. C'est-à-dire qu'il te suivait, il faisait aussi du derby, ou il allait, ouais, juste voir tes non, matchs. Il était NSO, c'est-à-dire qu'il faisait de l'arbitrage, en fait. Il n'était pas sur patin, mais il arbitrait, parce qu'il y avait besoin de beaucoup d'arbitres en derby. Hein. Je sais plus combien ils sont, en tout cas ils étaient à l'époque sur piste, mais il y avait peut-être 10 personnes autour de nous qui arbitraient sur le terrain, quoi. Et même lui, quoi. Comme c'est un milieu aussi très féministe, t'as des nanas qui sont pas toujours super sympas non plus. Mais voilà, faut avoir l'esprit derby pour aimer ça aussi. Et les filles qui entrent dans ce sport, elles recherchent pas seulement juste la qualité du sport, mais elles cherchent autre chose en plus. Chose dont je n'avais pas besoin. Ouais, c'est ça en fait. Voilà. Ouais, c'est... Chose dont je n'avais pas besoin. Et c'est pas ce que je recherchais. Donc, t'es obligé de t'impliquer parce qu'il y a cet esprit de do it yourself, c'est-à-dire que c'est par les patineuses pour les patineuses, c'est-à-dire que tout ce que tu dois faire, toute l'implication du club dans l'équipe, c'est géré aussi par les patineuses, c'est pas des personnes extérieures. Contrairement dans un club normal, si tu veux, où t'as l'administration avec des gens qui sont nommés à la tête de l'administration et qui gèrent tout le reste. Là, c'était nous, en plus, patineuses, qui devions nous investir là-dedans. Tu vois ? Ouais. Alors, bah, ouais. Ce qui a des avantages et des inconvénients, mais en tout cas, toi, ça peut être intéressant quand t'es bénévole, mais quand t'as pas envie de le faire et que t'es quand même obligé de le faire, non, ça peut devenir vite gonflant et surtout très prenant parce que, bah, au bout d'un moment, t'as plus de vie, quoi. Donc ouais, non, quand t'es obligé d'aller faire des réunions mercredi soir entre le boulot et le derby pour choisir la couleur du maillot et se mettre d'accord, autant te dire que moi ça m'intéressait pas quoi. Ouais. Voilà, j'avais pas du tout envie de m'investir là-dedans et on me l'a beaucoup reproché, à tel point que si tu t'investissais pas dans l'administration du club, ben on te prenait pas, t'étais pas sélectionné pour les matchs suivants quoi. Donc là, tu dis, il y a une injustice. C'est pas juste, quoi. C'est pas juste. C'est une façon de procéder. C'est pas ta justice. Non, c'est ça. C'est une autre justice, en fait. Mais je pense qu'ils ont perdu beaucoup de grandes sportives dans ce sport à cause de ça. Et c'est vachement dommage, quoi. Après, je me suis rendu compte dans le derby que ça tournait beaucoup et que les filles, elles restaient 2 ans, 3 ans et elles arrêtaient, quoi. Donc c'est pas un sport, je pense, viable. Enfin... Je ne dis pas viable pour le sport, pour le derby, hein, mais viable en tant que sportive, en fait. Oui, on ne fait pas de grandes carrières dans le derby. Enfin, c'est rare, les grandes carrières. Ouais, quoi, c'est rare. Ça se fait aux États-Unis un peu, mais en France, j'y crois pas du tout, quoi. Donc, bon, voilà. Donc, je suis quand même à tomber amoureuse du roller à ce moment-là. En fait, le roller, j'en ai toujours fait parce que quand j'étais petite, en compétition nationale régionale, dans mon école, c'était une petite école de campagne, on avait le droit d'amener nos rollers pendant la récréation. Et en fait, pendant la récréation, je faisais du roller, quoi. Et t'étais toute seule à en faire, oui. On était deux, trois à en faire. Ouais, j'adorais. Mais en fait, tout le monde s'est arrêté à chaque fois que je mettais mes patins, quoi. Parce que forcément, je patinais comme sur glace avec mes rollers en ligne, tu vois. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. C'était la première fois que tu montais sur des quads quand t'as fait du derby ? Ouais. Et bah, j'avais eu des Fisher Price, hein, tu sais, les mêmes trucs qu'on a tous eu, là, rouge et jaune, qui s'agrandit avec la chaussure, ouais. Tu sais, avec les sangles. Ouais. Mais ça roulait pas, quoi. Mais là, c'était la première fois, effectivement, que je testais des vrais quads, et puis des quads de derby. Donc la chaussure est assez particulière quand même, hein, parce que c'est une chaussure très souple, c'est une basket très basse. La cheville est complètement dégagée. Donc ça m'a fait très très bizarre au début par rapport à mes bottines de patinage qui montent très haut et qui sont rigides. Mais la stabilité du quad était super agréable. Et c'est vrai, sur la phase d'essai de recrutement, j'ai adoré tout de suite, quoi. Et c'était assez naturel. Ça s'est fait assez rapidement. Puis dans Derby, on te demande pas non plus de savoir faire des figures. Hein. On te demande juste de savoir rouler en avant, en arrière et de freiner, quoi. Donc... Ouais, j'ai pas eu de problème au niveau de la transition avec le quad, en fait. Ça s'est fait très vite. Ouais, c'était très chouette. Le truc que j'ai kiffé le plus en quad, c'est freiner. Freiner avec des quads. Ouais, parce que tu peux freiner en marche arrière. En dérapage, ouais, avec les tampons. Alors ça m'a fait kiffer dès le début. Je voulais apprendre à faire ça, freiner sur les tampons. Et les freinages type hockey, hein, qu'on peut faire avec des quads aussi. Et ouais, ça, c'était fun. C'est beaucoup plus facile à faire, effectivement, en quad que... Qu'en inline, ouais. C'est plus facile, ça glisse mieux. Puis c'est à ce moment-là que j'ai vraiment découvert, en fait, la qualité du matériel, que je m'y suis vraiment intéressée, tu vois. Savoir monter, démonter ses patins, nettoyer ses roulements, régler la hauteur de ses freins, protéger ses patins, etc. Ça, c'est fun. Et c'est vrai que je connaissais pas, parce que dans le patinage, t'as qu'une lame. Donc, une lame, c'est facile à entretenir. Hein. Tu la sèches quand tu sors de glace pour pas qu'elle rouille, et tu la fais affûter tous les 10 entraînements. Voilà. Ça se limite à ça. Hein, voilà, c'est hyper simple. Mais une platine de roller, c'est quand même pas la même chose. Et effectivement, ça, ça a quelque chose de super intéressant à ce niveau-là, parce que c'est très complexe. C'est très complexe comme outil, et très précis, et super intéressant, quoi. Et ce côté-là, en fait, du roller, j'ai adoré, vraiment. C'était vraiment très chouette. Donc, ouais, bon, j'ai arrêté le derby. J'ai fait, c'est ça, 2 saisons de derby, puis j'ai arrêté. Et je voulais pas arrêter le roller, pour autant, parce que j'avais bien aimé le quad. Et l'année suivante, je me suis lancée dans le quad artistique. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait un club, mais genre juste à côté de chez moi, quoi, à 10-15 minutes à côté de chez moi. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ton mari quand il te voyait ah, mais tu as fait une année de... De derby. Non, tu as fait une année de sur glace, 2 années de derby, et maintenant tu veux encore changer. Bah, en synchro, quand j'ai fait mon année de synchro, en 2010, je venais de rencontrer mon mari à ce moment-là, mais on n'était pas encore ensemble. Donc, lui, il s'en fichait, mais il aimait le patinage. En tant que spectateur, donc lui il trouvait ça cool que je fasse du patinage. Il trouvait ça sexy, la patineuse, tu vois. Ah bah ouais, bien sûr. Comme beaucoup de mecs, je crois. Mais ouais. Effectivement, on s'est un peu perdu de vue l'année suivante, donc j'ai commencé le derby, et puis on s'est vraiment fréquenté quand j'ai fait du derby. Et bah lui, comme je te disais, il me suivait dans le derby, mais il était content que j'arrête parce qu'il voyait que ça me bouffait quand même un peu, tu vois. Je le vivais pas forcément toujours très bien. Et donc j'ai dit, ben, l'année suivante, j'ai dit, il y a un club d'artistique, je vais essayer, on va voir. Donc j'ai contacté le club. C'est toujours un peu compliqué en tant qu'adulte, tu vois, d'être acceptée dans un club. Et puis j'étais pas débutante, donc parce que souvent les adultes, on les met en loisir débutant. Et c'était pas mon cas, quoi. Et donc, bah, j'ai rencontré la présidente du club à l'époque, qui m'a dit, bah, viens faire un essai, il n'y a pas de souci, tu patines quand tu peux, quand tu veux. C'était un petit club. Non, en vrai, c'est un gros club, mais il n'y avait pas beaucoup d'adhérents artistiques à ce moment-là. C'était vraiment petit. Et c'était en 2014 que j'ai commencé le quad artistique. Et j'y suis allée en plus avec mes patins de derby, donc ça les a bien fait marrer. J'ai dit, bon, j'ai pas de quad artistique, mais j'ai des quads de derby. Mais je peux quand même faire des trucs. Donc bah, j'ai fait quelques trucs en quad de derby, et puis en fait j'ai vu les quads artistiques qui étaient quand même pas fichus pareil. Et je dis, c'était vraiment une bottine d'artistique, de patinage sur glace. Même bottine, si tu veux. Mais la platine était quand même différente de celle de derby. Et puis pas du tout les mêmes roues, forcément. Et donc, j'ai essayé des quads d'artistique. Et j'ai dit, ah oui, c'est quand même pas le même matos. Donc, je vais être limitée avec mes quads de derby. Il y avait des trucs que je pouvais pas faire. Donc j'ai investi dans une paire de quads artistiques. Juste pour, tu vois, pour en faire un loisir, hein, cette saison-là, parce que j'avais pas du tout prévu de faire de la compétition de toute façon. Ouais, et alors, donc, tu t'es retrouvé avec des filles de quel niveau ? Alors, il y avait plutôt du bon niveau national, hein, en quad artistique, mais en tout cas... Entraînement, donc, tu étais avec elles ? Oui et non. Alors, elles venaient sur certains créneaux, mais moi, je patinais à moitié sur leur créneau, à moitié sur le créneau loisir, si tu veux. Donc, comme j'avais pas d'ambition, j'avais pris qu'une licence loisir, et donc je venais m'entraîner toute seule, et puis voilà. Pendant un an, j'ai essayé des trucs. Ça a été très compliqué parce que je retrouvais quand même les sensations de glisse du patinage sur glace, mais j'ai eu des gros moments de frustration parce que techniquement, si tu veux, il y avait des trucs que j'arrivais pas du tout à faire et qui sont complètement différents de la glace, hein, mais vraiment complètement. C'est-à-dire que ben, les éléments techniques, les pirouettes, certains sauts qui étaient vraiment très très différents. Puis je connaissais encore mal mon matériel aussi. Donc j'ai appris des trucs vachement tard après, en fait, au niveau du matériel. Et ouais, mais c'était une année sympa quand même où j'ai fait un peu... J'ai pas trop sauté, j'ai fait plus de la danse sur quad du coup. Ouais. Et comment elles te percevaient les autres filles du club ? Ben... Parce que t'étais entre deux créneaux, enfin entre deux... Ouais. Tu jouais sur les deux créneaux en plus. Je jouais un peu sur les deux créneaux, alors autant les nationales, elles me calculaient pas trop, tu vois. Autant les débutantes, elles étaient assez intriguées, parce que si tu veux, j'avais quand même une glisse assez propre, mais j'étais pas capable de tout faire, donc je m'énervais beaucoup. me suis beaucoup énervée avec mes quads parce que j'avais envie de réussir à faire les trucs que j'étais capable de faire sur glace, tu vois. Mais comme je te dis, d'un point de vue technique, c'est quand même différent. Et en même temps, c'était intéressant parce que les filles en national que j'ai retrouvées dans le club, c'est des filles qui avaient arrêté sur glace et qui se sont mises au quad aussi, en fait. À cause de cette fameuse patinoire qui avait fermé, d'ailleurs. Donc, il y a une partie des patineuses de ce club-là qui sont venues se mettre au quad artistique. Et c'est à ce moment-là aussi que j'ai découvert, en fait, l'inlan artistique. Parce que une des entraîneurs du club avait des inlines artistiques. Donc, j'ai découvert ça à ses pieds. Et j'imaginais absolument pas, à ce moment-là, qu'il pouvait y avoir des compétitions ni rien. Je trouvais ça juste cool qu'elle ait des inlines avec un frein à devant, tu vois. Mais elle m'a dit oui, c'est parce que ça ressemble plus à la glace, donc j'ai préféré prendre ceux-là, c'est plus pratique pour moi qui viens de la glace. Je lui ai dit bon, ok, je comprends. Mais c'est vrai que moi j'avais fait du quad avec le derby avant, donc c'était plutôt évident, tu vois, que je continue sur la lancée du quad. J'avais pas pour objectif de me prendre des inline artistiques. Mais alors, l'entraîneuse, c'est marrant parce que l'entraîneuse, elle venait de la glace. Ouais. Et en fait, elle avait des diplômes pour entraîner du roller. Alors ça, je ne saurais pas te dire, en fait. Elle avait l'air de pas trop s'y connaître. Enfin, elle a dit, ouais, ça m'avait l'air mieux, mais je crois, genre, elle s'y connaît pas spécialement, quoi. Non, c'est ça. Si tu veux, au niveau de la technique, sur plein de choses, c'est pareil. Hein. C'est les mêmes sauts, c'est les mêmes pirouettes, c'est les mêmes pas. Mais elle s'occupait de toute façon des débutants en quad. Elle s'occupait pas des... Ah oui, d'accord. Des débutants en loisirs, hein, donc c'est vraiment du patinage de base. Mais pour tout ce qui est technique, pirouette, saut, etc., c'est la présidente du club à l'époque qui entraîne toujours d'ailleurs les nationaux. L'avantage d'avoir plusieurs entraîneurs dans un club, quoi. Ouais. Et puis elle collaborait avec une autre patineuse, une autre ancienne patineuse de quad aussi. Donc si tu veux, elle n'était pas toute seule pour enseigner. Ouais, ouais. Voilà. Mais elle avait essayé le quad aussi et elle n'avait pas du tout accroché. Hein. C'était très compliqué. Ouais. Mais en gros, elle n'était pas au courant qu'il y avait des compétitions en inline, j'ai l'impression. Non, pas du tout. On avait beau avoir Internet en 2014, c'est pas médiatisé, hein, l'inline artistique. Donc, pas du tout. Heureusement qu'il y a Balado Roller qui médiatise un petit peu. Ça, c'est vrai, hein, franchement. Et Roller en ligne aussi. Hein, Et Roller en ligne, parce que je crois que tes articles sont les plus lus, font partie des plus lus sur Roller en ligne. Ouais, c'est vrai. Mm. Bah, je communique beaucoup et c'est vrai que, voilà, en 2014, on savait pas ce qui se faisait, on communiquait pas trop dessus, il y avait très très peu d'informations, et puis voilà. Je m'y suis pas plus intéressée que ça, en fait, parce que j'ai fait mon année sur quad, j'étais très contente de le faire. J'avais même un peu envie de faire des compètes, et puis finalement ça s'est pas fait. Et l'année suivante, comme je passais à ce moment-là mon concours d'enseignante, j'ai été mutée, forcément, je suis pas restée dans ma région. Donc je me suis retrouvée à Brive. Brive-la-Gaillarde. Oui, et à Brive-la-Gaillarde, par chance, il y a une patinoire. Tout à fait. Non, mais il y a tout à Brive. À Brive-la-Gaillarde. Tout, c'est génial. Et il y a des futurs présidents. Enfin, il y a des anciens présidents qui y sont passés aussi. Mais c'est ça. Ça, c'est une autre histoire. Mais non, à Brive, il y a le laser game. Il y a des trucs super. Je suis sûr qu'il y a des escape games maintenant. C'est une super ville. J'ai adoré cette ville. J'étais presque à m'installer avec mon mari. Je lui dis, allez, viens, on déménage à Brive. Et puis voilà. Non, on n'a pas déménagé à Brive. Mais j'ai adoré la ville, j'ai adoré l'ambiance de la ville, c'était très sympa. Et donc, j'ai complètement laissé tomber le quad artistique à ce moment-là, du coup. Et je me suis inscrite direct en septembre, je savais déjà ce que je voulais faire quand j'ai déménagé là-bas. J'y étais toute la semaine et puis je rentrais le week-end sur Bordeaux. Mais je voulais me trouver une occupation pour pas déprimer, quoi. Parce que je me suis dit, putain, non seulement je suis séparée de mon mari toute la semaine, mais en plus, tu vois, je me retrouve sans rien, juste aller bosser, ça va être horrible, quoi. Et donc, je suis allée voir direct la patinoire de Brive, le club de danse sur glace de Brive, j'ai dit, je veux faire la compétition adulte en danse sur glace, direct. Mais la compétition, c'est le week-end, non? Ouais, c'est les week-ends, les compètes. Mais bon, peu importe, les entraînements, c'était la semaine, donc c'était super. Et puis j'ai dit, bon, moi, j'ai une petite expérience sur glace quand même. Donc si vous avez besoin de moi en plus en tant que bénévole pour avec vos débutants, quoi, je suis là, j'ai du temps libre, j'ai rien à faire, je bosse, mais j'ai plein de temps libre, il n'y a pas de problème. Du coup, ils étaient hyper contents parce que là, ça leur faisait un bénévole en plus pour encadrer. Les clubs ont toujours besoin de bénévoles. Donc je m'investissais, j'allais patiner tous les jours en fait. C'était vraiment super quoi. Et donc ouais, nouvelles ambitions. Donc je me suis racheté une nouvelle paire de patins hein, quand même, je précise, parce que avec ma paire moyenne trop grande, avec une lame bien usée jusqu'à la moelle, il n'y avait plus d'affûtage dessus, elle était rouillée de partout. Le patin, il était tout mou, c'était un vrai chausson, mais bon, du coup, il me tenait plus du tout le pied. Donc ouais, j'ai réinvesti dans une paire de patins. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré ma bottine de quad artistique, qui était en super état, que j'avais utilisée qu'une saison, et j'ai monté une lame de danse dessus. Voilà. Et c'est super de pouvoir switcher comme ça, quoi. Du coup, j'ai acheté des belles lames de danse toutes neuves. Et j'ai pu faire ma saison de danse, c'était super, donc... Mais c'est vrai que c'est bon à savoir, c'est que c'est interchangeable, hein, le roller et le patin à glace, ouais, la bottine... C'est possible. Alors, ce qui peut être compliqué, et c'est là que c'est important de le préciser quand même, c'est que les trous peuvent tomber au même endroit, et ils peuvent tomber juste à côté, un peu à cheval, et là, ça peut être un peu chiant. Du coup, il faut reboucher les trous, trouver des solutions pour reboucher, pour pouvoir repercer... ou déplacer un petit peu l'axe de la lame à côté, mais ça, c'est pas dans l'idéal, quoi. Parce ouais, que du coup... Mais alors, ouais, donc, en fait, ça dépend de quoi, ça? Ça dépend de la marque? Oui et non, ça dépend du modèle de platine qu'il y avait avant, en fait, effectivement. Le problème qu'il y a, en fait, aujourd'hui, c'est que les platines de roller et les platines de glace n'ont pas les trous au même endroit. Donc, c'est un peu con. Parce que s'ils les faisaient tous au même endroit, si c'était standard, on n'aurait pas ce problème-là, en fait. Mais oui, ça dépend des marques, en fait. Tout à fait. Puis une bottine de quad artistique, bon, aujourd'hui, ça se montre plus tout à fait pareil, mais moi, à l'époque, on traversait complètement la semelle de la bottine par l'intérieur pour visser à l'extérieur, en fait, avec un boulon. Ce qui n'est pas du tout le cas avec une pose de lame de glace. La pose de lame de glace, tu visses de l'extérieur à l'intérieur de la bottine. Donc le montage est un peu différent. Voilà, mais c'est bon à savoir quoi. Ouais, donc effectivement, donc ouais. Et alors en fait, ne faites pas le montage vous-même. Non, ouais. Enfin, il faut vraiment être demandé à son revendeur si c'est possible de le faire. Son revendeur, des fois il y a des gens dans les clubs hein, qui savent le faire, qui ont l'habitude de monter. Moi, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. En fait, j'ai voulu les faire monter dans la boutique de le shop de Brive à ce moment-là. Et en fait, je me suis fait envoyer bouler hein, parce que j'avais pas acheté les lames chez lui. Donc, il a pas voulu les monter, tout simplement. Donc j'ai un peu râlé, j'étais un peu vénère quoi. C'était pas très cool parce que c'était le seul qui pouvait le faire. Et en fait, donc c'est un gars très sympa dans le club qui me les a montés en fait et qui me les a réglés à ce moment-là. Et j'ai même pu les essayer sur glace et il a pu faire les réglages qu'il fallait pour que ce soit bien. Donc ouais, et les lames c'est plus compliqué à monter que des rollers si tu veux parce qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup plus précis. Donc si ta lame elle est mal montée, t'as ce qu'on appelle des quarts contrariés, c'est-à-dire que en fait au niveau des appuis de ton pied et du positionnement de la lame, tu patines pas droit quoi, tu peux pas tenir en équilibre. Donc si c'est mal monté, ça pose vraiment problème. Contrairement au roller où t'as une marge d'erreur quand même plus importante avec les roues. Donc, il y a moins ce problème-là au niveau du montage. Donc, si les gens décident de passer d'une lame au roller, ils peuvent monter le roller tout seul. Par contre, l'inverse, c'est plus compliqué. Il faut pas se planter, quoi. Voilà. Donc, à ce moment-là, j'ai repris sur glace. Et j'avais pas patiné depuis un petit moment sur glace, du coup. Hein, parce que la dernière fois que j'avais patiné, c'était en 2010. Sur glace. La saison de synchro. Et en fait, j'avais pas repatiné depuis voilà, 2010-2011, et mon année de danse sur glace, c'était 2015-2016. Donc ça faisait quand même quelques années que j'avais pas posé le pied sur la glace. Donc les... bon, même si ça revient, si tu veux, mais l'excitation, là, elle était au top, top, top level, top niveau, oui. Quoi. Ouais, d'accord. Mais bon, après, t'as le niveau, mais enfin, je veux dire, t'as la technique, mais c'est vrai que t'es excitée de remettre un pied. Trop excitée, trop contente. Donc j'ai remis un pied sur la glace et ça a été génial. Et ouais, j'ai passé toute cette première saison à Brive, donc j'ai fait les compètes de danse sur glace. J'ai fait deux compètes adultes, deux compètes de podium, trop contente. Ouais, c'est super. Je m'y attendais pas du tout parce que les règlements de danse avaient changé par rapport à quand j'étais petite. On demandait des éléments techniques supplémentaires, des trucs que j'avais plus fait depuis des années, notamment des pirouettes, ce qu'on appelle les twizzles aussi, en fait, c'est comme une pirouette mais que tu déplaces. Et il a fallu que je réapprenne des trucs, un peu en speed. Et donc j'en ai discuté avec mon entraîneur à ce moment-là dans le club, et il m'a dit bon bah faut que tu t'inscrives dans la catégorie la plus haute, hein, parce que c'est facile, t'y arrives quoi. Et j'étais trop fière parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'ils me disent de m'inscrire dans la catégorie la plus haute. Et je me suis retrouvée contre deux filles de Bordeaux pour ma première compétition. Donc c'était très drôle. Deux adultes de Bordeaux. Ouais, que tu connaissais donc. Non, je les connaissais pas. Non, c'était d'accord. Des adultes hein, qui étaient en reprise de patinage aussi comme moi. Donc même profil, si tu veux, des filles qui avaient patiné, qui avaient fait de la danse aussi ou de l'artistique et qui ont voulu faire de la compète, quoi. Et, ouais. Et cette année-là, j'étais pas mal soutenue par mon club, mais il a fallu que je monte mon programme toute seule. Donc, il a fallu que j'apprenne à monter un programme. Il a fallu que je m'entraîne et que je gère mes entraînements toute seule, chose que j'avais jamais vraiment faite, en fait, jusque-là. Puisque quand t'es petit, on te monte tes programmes et on te dit quoi faire aux entraînements. Là, j'étais assez libre de mes entraînements. Alors, t'avais quand même un moniteur ? Il y avait un moniteur qui était là, si tu veux. Il y avait l'entraîneur du club qui était là. Mais comme c'était le groupe adulte, disons qu'il s'occupait pas trop de nous, quoi. C'était d'accord, plutôt à fait, la ouais. Cool, quoi, hein, tu vois. Puis moi, il a été cash ouais. Avec moi dès le début. Il dit, attends, tu sais patiner, tu vas monter ton programme toute seule. Dans ton programme, il faut ça, ça, ça comme élément. Tu les mets où tu veux dans ton programme, tu te débrouilles. Et à la ok, donc t'as fait ton programme, tu lui as montré ou tu lui as même pas montré ton programme? Si, il l'a vu, forcément, il l'a vu, bien ouais. Sûr. J'ai été guidée sur quelques éléments techniques, mais après j'ai dû me démerder toute seule. C'est toi qui as tout fait. Ouais. Alors, mais donc moi, c'est ma question, c'est. Là, t'avais quoi comme ambition en fait quand tu faisais ton programme? Ah, bah la première place. En fait, je suis un peu psychopathe, tu vas te dire, mais l'année précédente. Quand je faisais du quad artistique et que je savais que j'étais mutée à Brive, en fait, j'ai regardé les anciens résultats des patineuses qui étaient sur les podiums. J'ai regardé les composantes des programmes, j'ai regardé les résultats des anciennes compétitions de la saison d'avant, si tu veux. Pour voir... En sur glace ou glace, en quad? Sur glace. En fait, c'était pour prévoir, oui, comme tu dis, en prévision de Brive. Je savais que j'allais, j'ai su assez vite que j'étais mutée à Brive, si tu veux. Mais si tu veux, j'étais très, j'ai vachement anticipé la saison en fait, en me disant bon, alors qu'est-ce qu'il me faut pour atteindre le niveau alors le niveau, c'est ce qu'on appelle le en catégorie or, tu vois, donc c'est vraiment la première catégorie, élite, voilà, qui est la même en fait que sur le circuit national normal en senior, hein, mais là on est sur une compète adulte, donc il n'y a que des adultes, et donc c'est toi qui te classes dans ta catégorie en fonction de ton niveau. Et donc j'avais regardé tous les éléments et le nombre de points total de la première, tu vois. Et ouais, mon objectif à ce moment-là, bah, c'était d'essayer de regagner un bon niveau national, si tu veux. Ouais. Même en adulte, si tu veux. Mon ambition, c'était d'égaler les patineuses seniors en danse sur glace. Ce qui est quand même d'accord. Hard. Hein. Bah, c'est ce que je me dis, ouais. Mais quand danse libre, pas sur les danses imposées. Les danses imposées, c'est un peu chiant, ça m'intéressait pas. Je voulais travailler que les danses libres, donc j'ai travaillé que la danse libre. La danse libre, c'est plus ouverte parce que tu choisis ta musique, tu choisis tes éléments... Donc, c'est beaucoup plus ouvert, alors que... Je sais pas si Céline a déjà fait de la danse, mais en danse sur glace, en fait, t'as un schéma particulier à suivre sur la piste et des musiques imposées. Et je voulais pas du tout ça. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en adulte, on te laisse le choix. Autant en national, sur le circuit normal, on te laisse pas le choix. T'es obligé, si tu veux, de faire les deux. Mais là, moi, j'avais le choix. Je voulais travailler que ma danse libre et gagner un max de points sur la danse libre. Donc, j'avais regardé le circuit national, le nombre de points qu'il y avait à l'époque. Le nombre de points top niveau à cette époque-là, c'était dans les 30 points, si tu veux, en technique générale, si tu veux, sur un programme libre. Donc je me suis dit, allez, je veux m'approcher au maximum des 30 points. À ce moment-là, je visais 25 points, tu vois, c'était déjà pas mal, quoi, en fait. Oui, parce qu'en fait, faut expliquer un petit peu comment ça fonctionne. C'est-à-dire ouais. que tu vas présenter ton programme, d'ailleurs, tu vas donner ce programme au juge avant de passer. C'est ça, en fait, tu remplis une feuille de jugement où tu marques tous tes éléments. Il y a un nombre de points de base par élément, si tu veux. Si tu les réussis, tu gagnes le nombre de points normal. Si tu les rates, tu as des points en moins. Donc, ta note, elle baisse forcément, en fait. Voilà. Donc, moi, j'avais prévu mes éléments. Donc, j'essayais de mettre les éléments les plus durs. Hein, Voilà. Et donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que t'as ta prestation, effectivement, qui est à faire. Ouais. Que c'est le truc qu'on voit. Mais préparer ton programme en te disant... Ok, alors là, je veux pas pouvoir mettre un élément qui fait 5 points parce que je suis sûr de le louper. Ouais, c'est ça. Par contre, celui à 3, je sais que je suis pas sûr de le passer. Par contre, celui à 4, étonnamment, je suis meilleur dans celui à 4 que celui à 3. C'est ça. Donc, je mets celui à 4. C'est ça. Et en fait, c'est un truc... c'est très, très stratégique de ce côté-là, un programme, si tu vises la première place. Ah ouais, grave. Et j'adore ce côté-là du patinage artistique parce que c'est hyper stratégique, ton programme. Moi, mon programme, je le prépare un an à l'avance, quoi. C'est-à-dire, avant même que la saison, elle commence, je réfléchis déjà aux éléments que je vais placer dans mon programme, les éléments que je réussis bien... Et il y a ce qu'on appelle les GOE, en fait, qui sont des bonus sur tes éléments. C'est-à-dire que si tu réussis ton élément, mais qu'en plus tu fais un truc avec les bras ou en entrée de saut, par exemple, ou en sortie de saut, ben, tu gagnes des points en plus avec la valeur de base. Eh oui, alors t'as le petit truc, effectivement, ça, c'est le petit truc que tu sais que c'est un bonus, entre guillemets, facile à prendre. C'est ça, bah, tu le Donc, fais, faut quoi, que faut que tu penses le fasses. À l'incorporer, et ouais, il faut le faire, ouais. Mais effectivement. Mais un programme, ça s'écrit, avant même de le patiner, avant même, tu vois, de le construire, ça s'écrit, c'est-à-dire que tu travailles tout en musique, tu travailles sur la musique, tu places les éléments en musique, tu réfléchis, effectivement, bah, tu calcules, hein, c'est du calcul, hein, tu calcules tous tes éléments pour essayer de calculer ton nombre de points total à la fin. Et à partir de quand tu choisis ta musique? Est-ce que en c'est premier. Avant ou après avoir fait ton programme? Ah bah c'est non, en premier. En fait, ton programme, il s'appuie sur ta musique. Parce que t'as une partie de la note qui est l'interprétation, chorégraphie, toute cette partie-là, en fait. Par exemple, si tu places un saut sur un moment fort de la musique, ben là aussi tu gagnes des GOE positifs en plus de ta note. Donc parce qu'il y a un accent musical à ce moment-là et que ton saut, ben ça le transcende, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est hyper important. Et là, je vais aller faire une petite pause. Alors, on en était où? Les programmes, voilà. Ouais, donc la découverte de à la fois de l'encadrement à ce moment-là et puis de la construction d'un programme, hein, tout simplement, ça m'a grave passionnée, j'ai adoré, c'était trop bien. Et l'année suivante, j'ai continué, je suis revenue sur Bordeaux, donc j'ai été de nouveau mutée. Et j'ai continué, je me suis retrouvée avec les deux filles que j'avais battues la saison précédente, c'était super drôle. Bah ouais, c'est cool, elle devait être contente de t'avoir en tout cas. On est devenues super copines en fait, c'était super bien. Et ouais, ça a été chouette hein, l'année suivante et en même temps, enfin voilà, je me suis encore beaucoup entraînée toute seule si tu veux. J'avais un coach quand même qui était chouette qui s'appelle Alexander... Lyubchenko, qui est ukrainien, je crois, si je dis pas de bêtises, et qui lui avait une super méthode d'entraînement, en fait, si tu veux, il m'a bien poussé et il m'a appris des choses aussi, hein, pour être honnête, parce que je me sentais encore bébé hein, dans la danse, puisque ça faisait qu'une saison que j'avais repris la danse sur glace, donc il y avait encore des choses à apprendre. Et dans là, la construction quand tu du programme, Bordeaux, tout, tu dis je vais me réinscrire. Bon, je vais me réinscrire. Et c'était quoi tes objectifs alors ? Et ben c'était de nouveau la compète et puis je voulais atteindre ces 30 points et puis faut pas oublier, j'ai pas dit quand même, mais la saison précédente j'ai fait le podium mais j'ai atteint plus de 26 points, donc j'étais trop contente quoi. Ouais, donc t'avais atteint ton objectif. J'avais atteint mon objectif, je voulais dépasser les 25 points, donc ça c'était fait. Et puis je me suis dit l'année suivante, allez, je vise les 30 points. Et j'ai fait 31 points à ma compète. Oh bah c'est cool. J'étais vraiment trop contente. Bon, cette saison-là, il y a beaucoup de filles qui ont arrêté. Les filles, en l'occurrence, avec qui je devais patiner, elles n'ont pas fait la compète. Et donc je me suis retrouvée toute seule à ce niveau-là en compétition adulte. Mais bon, l'objectif était pour moi et je voulais atteindre ces 30 points. Et du coup, je continuais toujours de me comparer, si tu veux, avec le niveau national. Et je faisais partie des 5 premières nationales, en fait, avec le nombre de points que j'avais fait. Donc c'était vachement bien, quoi. Ah bah ouais, à quel âge tu disais ? Alors 2016-2017, j'avais 27 ans. D'accord, ok, c'est bien ça. Voilà, à 27 ans, mamie Prissy. Je dis mamie Prissy parce qu'en patinage, bon voilà, on patine, on fait de la compétition très jeune, quoi. Hein, à 27 ans, des patineurs, on n'a pas beaucoup, quoi. Et j'avais atteint mes 30 points, j'étais trop contente, j'aurais pu reprendre la compétition nationale en senior en fait, mais bon, c'était pas mes objectifs. Je voulais juste avoir une belle qualité de glisse et un beau programme avec un bon niveau quoi. Donc voilà, c'était ça mon objectif. J'étais partie pour continuer l'année d'après, donc je me suis réinscrite en septembre et grosse déception, on a perdu une heure de glace. Qu'on avait normalement le dimanche matin en fait et qu'ils ont placé le jeudi midi. Autant te dire que quand tu travailles, que t'es adulte, ben tu peux pas y aller quoi. Ouais, c'est pas évident, c'est sûr. Les conditions d'entraînement étaient horribles à Bordeaux. Hein. Autant à Brive c'était normal, à Bordeaux en adulte on avait 1h30 d'entraînement le lundi soir de 22h30 à minuit quoi. Ouais. Là, ça donc, fait mal, là. Non, en fait. Tu dis, voir, on se faisait virer avant par la surfaceuse parce que le mec, il voulait aller se coucher, quoi. Bah ouais. Donc, on peut pas dire que tu sois hyper performant à 22h30, 22h45 sur glace, quoi. Bah, enfin, c'est sûr. Si t'as un entraînement par semaine en plus. C'est ça. Autant le dimanche matin, j'étais fraîche, donc je pouvais travailler un peu plus mes entraînements. Autant là, le lundi soir, c'était dur, quoi. C'était hyper dur. T'es crevée, t'as juste envie d'aller te coucher. Tu sais, tu t'arrives chez toi. Moi, je rentrais du boulot. En plus, à l'époque, j'étais rentrée sur Bordeaux. Mais l'année d'avant, j'étais pas sur Bordeaux. J'étais à Lalinde en Dordogne, donc je me tapais 2 heures de train quand même pour rentrer. Donc, je rentrais de la Linde, j'arrivais à 20h30 chez moi, tu vois, je mangeais avec mon mari, je faisais ma petite vie, tout ça, et à 22h30, fallait que je reparte pour aller patiner, quoi. Ah ouais, c'est... À 22h30, t'as juste envie d'aller te coucher, en fait. Bah c'est ça, ouais, c'est... Exactement. En fait, ouais. T'as juste envie d'aller dormir, t'as pas envie d'aller faire du sport à 22h45, quoi. Donc je me suis inscrite en septembre. Ils ont augmenté le prix de la licence, donc c'est passé de 400 et quelques à 460 €. Donc pour 1h30 par semaine, ça fait bien cher quand même. C'est clair. T'as juste envie de dire oui, mais je peux même pas venir le jeudi, alors on peut peut-être réduire un peu le prix de la licence. Ah bah non, désolé, on peut pas vous faire ça, hein, faut pas rêver. Ok, bon, d'accord, j'accepte. Mais comme je veux faire de la compétition, je pourrais venir sur d'autres créneaux avec les nationaux, ça poserait pas de problème, j'ai le niveau, tout ça. Ah mais non, on peut pas vous l'accepter, sauf si vraiment, avant la compétition, il vous manque des entraînements. Je leur ai dit non, mais il va manquer des entraînements là, clairement. Vous n'avez pas compris qu'il va manquer des entraînements. Et puis en fait, on était 2-3 compétitrices à essayer de négocier comme ça, et puis ils n'ont jamais accepté quoi. Ils n'ont ni accepté de baisser la licence, ni d'être arrangeants avec nous, donc ça m'a gonflée. Et puis je suis arrivée en début décembre, on n'avait toujours pas de programme monté. Donc, il y a un moment, t'as juste envie de dire, bon, qu'est-ce que je fais, quoi. Et à ce moment-là, j'ai dit, bon, bah, cette année, je ferai pas de compétition, parce que c'est n'importe quoi, c'est pas possible. Et on a perdu l'entraîneur qui nous avait entraîné l'année d'avant. Donc on se retrouvait qu'avec deux entraîneurs et on était très très nombreux sur glace. On était plus d'une vingtaine d'adultes, donc à un moment c'est devenu juste ingérable. Donc toi t'essaies de t'investir. Moi j'avais préparé mon programme déjà. En fait j'avais déjà rédigé, écrit l'histoire de mon programme, j'avais monté la musique, tout était prêt. J'avais juste un petit peu besoin d'aide d'un des entraîneurs, tu vois, pour peaufiner le truc quoi. Parce que la compétition elle était en janvier quand même. Ça veut dire que j'avais compté... il restait 6 cours d'entraînement avant la compète. Le programme n'était pas monté. Donc j'ai envoyé un mail au club pour leur dire je suis désolée, je vais pas faire la compète parce que c'est pas sérieux quoi. Ils m'ont dit mais si, faites-la, en plus vous avez gagné l'an dernier. Je me suis dit putain, ils sont gonflés quand même. Donc je les ai envoyés chier, j'ai dit non, je ferai pas de compète, tant pis pour vous, je viendrai faire du loisir le lundi soir et puis c'est tout quoi. Et à ce moment-là, ça me gonflait, ça me travaillait, hein, vraiment, j'étais triste de pas avoir, tu vois, qu'ils répondent pas à mes ambitions en tant que patineuse, parce que je voulais vraiment m'améliorer, puis j'avais même pour ambition de faire des compétitions d'artistique, donc reprendre les sauts et tout, les pirouettes. Et on m'a clairement mis des bâtons dans les roues, donc ça n'a pas du tout été cool. Et j'ai repensé à ce inline artistique que j'avais vu quelques années auparavant. Et je me suis dit, tiens, je pourrais peut-être compléter avec du roller dans mon ancien club de roller. Et ni une ni deux, je me suis renseignée un peu sur Internet. Il y avait un peu plus d'infos qu'en 2014. Et il y avait ce club de Montpellier avec Cathy Gallière qui avait bien développé la discipline. Et puis je me suis dit, waouh, c'est cool. Et en fait, elles font des compètes. Et en fait, il y a un vrai circuit de compètes. Et en fait, c'est génial. Mais je vais pouvoir faire ça. Donc en décembre, j'ai acheté mes inline artistiques. Quoi, j'ai pas attendu. J'avais jamais essayé, hein. J'ai fait confiance à Internet. Tu testes, c'est peut-être toi qui, en France, c'est même sûrement toi qui testes le plus de platine artistique. Ouais, ouais. Mais à l'époque, grave, ouais. À l'époque, non. Et comment t'as fait pour choisir ta paire? Oh putain, ça a été l'enfer. Une catastrophe. Parce qu'il n'y avait aucune info sur Internet. Eh oui. Il n'y avait pas tous les articles que j'avais écrits. Ah là là. Et puis il y avait pas beaucoup de pratiquants surtout en fait si tu veux, et il y avait pas beaucoup de marques non plus. Il y avait pas le choix, il y avait que deux platines, il y avait les Peak Skate et les Snow White. Donc c'était moins, vite vu. Voilà, au moins c'est vite vu. Vite vu. Ouais. C'était vite vu. Donc moi je marche au culot en fait, j'ai une grande gueule et j'ai pas peur de parler aux gens. Donc j'ai contacté Cathy qui était la pionnière en France de l'inline artistique. Donc je lui ai dit, moi je veux essayer l'inline artistique, mais je sais pas quoi acheter. Elle me dit, j'ai essayé les deux. Moi, perso, je préfère les Peak Skate, voilà. Et puis j'ai demandé à des compétiteurs, et les compétiteurs me disent, mais moi, je préfère Snow White, elles sont mieux, mais ils savaient pas trop expliquer pourquoi. Et ça, c'était horriblement frustrant, en fait, que les gens soient pas capables d'expliquer pourquoi ils préféraient l'une ou l'autre. En fait, et personne n'était capable d'expliquer avec précision, avec une vraie précision technique, en quoi l'une était meilleure que l'autre, tu vois. Donc c'était très compliqué de choisir le matos, en fait. Donc je me suis fié plus à mon instinct qu'autre chose, c'est-à-dire que j'ai fait confiance aux patineurs professionnels plus qu'aux compétiteurs amateurs. C'est-à-dire que, en fait, j'ai fait confiance aux patineurs adultes qui savaient patiner depuis longtemps et qui venaient de la glace. Donc, Cathy, Fernand Fedroni, qui est le créateur de la WIFSA, à qui j'ai demandé encore... Il y avait Martha Bravin, qui est entraîneur et qui a fait de la compétition en danse, en inline artistique aussi. Donc, des gens qui connaissent le milieu, qui viennent de la glace. Et toutes ces personnes-là étaient sur Peak Skate. Donc j'ai acheté les Peak Skate. Alors faudra après que tu expliques ce que c'est que la WIFSA. Ouais, j'expliquerai après. Et effectivement, j'ai reçu. Alors c'était une vraie galère, parce que pour commander les inline artistiques, à l'époque en France, il y avait genre une ou deux boutiques qui en vendaient. Ouais. Une boutique qui en vendait. À Paris. Et non, même pas. Même pas. Non, non, même pas. J'ai essayé de me rapprocher des clubs, mais c'était un peu compliqué. Et en fait, il y avait une boutique qui venait juste de s'ouvrir à Toulouse à ce moment-là, qui s'appelait Glisse et Danse. Et donc j'ai contacté. En fait, non, c'est le vendeur qui m'a contacté directement, qui m'a dit, mais moi, je peux te les faire importer si tu veux, il n'y a pas de problème, le modèle que tu veux. Et je te les monte aussi, il n'y a pas de souci. J'ai dit, bon, bah, parfait, je vais prendre. Donc, à l'époque, c'était une paire de Ri Sport RF3, c'est ce que j'avais déjà en quad artistique, donc c'est en danse sur glace, c'était la même bottine, mais avec donc la platine Peakskates dessus. Donc, Peakskates 3 roues, j'avais choisi de prendre. Je voulais pas prendre 4 roues parce que je trouvais ça trop long et je me suis dit, ça va être lourd, je connaissais déjà un peu le roller. Et même si tu vois, les professionnels m'avaient plutôt conseillé 4 roues. Parce que ça ressemble plus à la glace et c'est un peu plus facile au début. Mais en compétition, moi je voyais que des trois roues, donc je me suis dit bah, autant partir sur des trois roues, quoi. Je pense que c'est le meilleur choix. Et puis avec la danse sur glace, la lame est plus courte aussi, donc ça se Attends, rapprochait mais plus. comment t'as fait pour voir des compétitions? Et ben, Parce que des il y avait. compétitions, il y en a pas beaucoup en une année. Il y en a deux, je crois. Je les ai pas vus en vrai, hein. J'ai Ouais. regardé les vidéos sur YouTube que j'arrivais à D'accord. trouver, quoi, hein, et que j'arrivais à demander par-ci, par-là. Mais comme je te dis, à l'époque, comme c'était pas médiatisé, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait quelques grands patineurs qui étaient en ligne sur YouTube, notamment bah, Martha Bravin. Chez les garçons, il y en avait quelques-uns, mais ils étaient sur Snow White. Et en France, mais il y avait quelques élèves de Cathy. Cathy, elle mettait pas mal de vidéos en ligne, donc j'ai pu en voir comme ça, si tu veux. Mais c'est vrai que toutes ces élèves étaient sur Peakskates, donc ben voilà, je suis restée là-dessus. Il y a la femme donc du revendeur qui passait sur Bordeaux, donc elle a pu me les amener en main propre, donc ça c'était encore plus cool. Et puis bah, je les ai testés le week-end suivant dans mon club de roller. J'ai appelé mon club de roller. Je dis, allez, j'ai acheté des nanas artistiques, je veux me réinscrire au club. Ça va me faire un complément à la glace, ça va être super. Et bah, premier essai avec les nanas artistiques, ça a été la révélation, quoi. Mais vraiment, incroyable. Je me suis sentie sur la glace. Mais vraiment pareil, quoi. Je pense que mon expérience en quad avant a beaucoup aidé. J'avais fait du roller en ligne, ça m'a beaucoup aidé aussi, si tu veux. Surtout que quelques années juste avant, là, après mon année de synchro, j'ai passé un mois entier à faire du roller tous les jours non-stop parce que j'avais trouvé un job étudiant sur le Tour de France. Et je faisais toutes les arrivées à roller en fait. Donc, j'ai dû m'acheter en urgence à moins d'un mois du boulot, du job, une paire de K2. Je sais pas si tu connais les K2. C'est une vieille marque, hein. Mais une paire de fitness K2, trop confortable, je les adore mes K2. Et ouais, j'ai fait un mois non-stop à roller avec. Et c'était génial. Et j'ai repris goût au roller aussi à ce moment-là, hein, tu vois. Et effectivement, bah ouais, bah, première session sur les rollers en ligne artistique, trop bien, quoi. J'ai refait mes sauts comme si j'étais sur glace. Ça a été un peu plus dur pour les pirouettes, hein. J'ai galéré pour les pirouettes au début. C'est quand même assez différent. Alors c'est pas c'est à la fois différent du quad et de la glace. Ouais, Ouais. c'est vraiment à part. Au niveau de la posture, du positionnement du corps et tout, c'est assez proche, assez pareil. Par contre, au niveau de la position du pied en particulier, des pieds dans la pirouette, c'est quand même très différent de tous les autres sports. En fait, c'est pas comparable. C'est vraiment une autre technique qu'il faut apprendre, quoi. Mais ouais, alors du coup, ben, à ce moment-là, c'est vrai que j'avais très envie de mettre en avant le patinage adulte et d'aider les adultes à se mettre à la compétition et se dire que maintenant il n'est pas trop tard pour patiner. Et donc j'avais créé un site internet pour l'occasion où je donnais plein de conseils pour les adultes parce que j'avais encadré aussi et j'aimais bien enseigner le patinage justement à des débutants, des gens qui savent pas, qui peuvent en fait faire de la compète adulte. Alors Rendre le sport accessible, tu vois. ça me fait rire. Oh bah j'ai créé un site internet. C'est voilà, c'est Non, tout bon. simple. Enfin Non, après, alors, ouais. tu sais, c'est des. c'est pas, j'ai pas le langage HTTP ni machin ni HTML, oui, tout ça. Ouais. Hein. C'est avec Wix hein, qui est très pratique. Hein. Oui, enfin, c'est de la c'est... pub en même temps, mais. Ouais. Enfin, après, c'est comme faire une page Facebook entre guillemets dédiée oui, à quelque voilà, chose. C'est, je comprends que c'est pas. Mais enfin, t'as comme eu la démarche de te médiatiser et de faire ouais, profiter ouais, de ton envie expérience. De partager. Quoi. Ouais, c'est ça. J'avais vraiment envie de partager cette expérience-là et de montrer aux adultes que c'était possible. Donc, c'est vrai que je me suis lancée là-dedans. J'ai essayé de faire un truc très complet, ou donner des conseils HTC patin, quel est le bon matériel pour un adulte, des liens utiles si tu veux, où justement bah, ils peuvent s'informer, trouver sur internet facilement ce qu'il faut, ce qu'ils ont besoin, communiquer sur les compétitions adultes aussi, et puis voilà, faire découvrir aussi l'inline artistique parce qu'il n'y avait rien à ce moment-là. Et donc j'ai commencé par des interviews de patineurs inline artistiques, notamment Martha Bravin que j'avais rencontrée, Serena Giraud qui était à l'époque la championne de France en inline artistique et qui a aussi été médaillée de bronze au championnat du monde. Donc c'était vraiment l'ouverture sur la discipline. Et puis mes débuts aussi en inline, hein, montrer que ben en fait moi je viens de la glace et voilà ce que j'arrive à faire la première fois que je mets des inline. Donc c'est hyper rassurant parce que c'est vrai c'est ce que tu te demandes quand tu viens de la glace, tu dis bon est-ce que j'arriverai à faire les mêmes choses tout de suite sur des inline artistiques ou pas, ou est-ce que la transition elle est dure, elle est longue. Et en fait, non, elle est super rapide et c'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment, ça sert vraiment à la fois... Au début, voilà, c'était vraiment un complément à la glace parce que je voulais pas arrêter la glace pour autant. J'étais vraiment attachée, c'est ma discipline première, hein, faut pas l'oublier. Mais bon, comme c'était un peu compliqué dans mon club de glace... Et justement, est-ce que t'as réussi à prendre des filles de ton club de glace pour les ramener en ligne ? Alors à ce moment-là, non. Quand j'ai commencé, non. Je leur ai montré, elles ont été assez bluffées. Hein. Elles ont été assez bluffées, elles ont dit « Putain, ça ressemble quand même vachement à la glace et tout. Ouais, mais tu dois pas avoir les mêmes sensations. » J'ai beaucoup, beaucoup de patineurs qui m'ont répondu la même chose, de patineurs qui viennent de glace, qui m'ont dit « Ouais, mais tu peux pas tout faire avec des rollers. » Ben en fait, tu peux pas tout faire, certes, tu peux pas glisser sur les genoux. Un roller, ça fait mal. Ouais, c'est sûr, ouais. Mais techniquement, tu peux faire aussi d'autres trucs à roller que tu peux pas faire sur glace. Donc, l'un dans l'autre, tu vois, ça se complète et ça s'équilibre. Et moi, je trouve ça super intéressant parce que pour ceux qui veulent continuer la glace, par exemple, le roller, ça apporte énormément de choses. Ça, c'est beaucoup plus physique, c'est plus lourd, c'est plus dur... C'est plus dur, c'est vraiment plus dur que la glace. Et du coup, quand tu reviens sur la glace, ben, tout te semble très facile. Hein. Donc ça, c'est vraiment un avantage. Et puis c'est beaucoup moins cher. T'as pas besoin d'une patinoire, quoi. Et t'as pas besoin d'une patinoire, donc effectivement, je veux dire, t'es pas contraint, t'as pas des barrières, tu peux aller rouler où tu veux, suffit c'est juste clair. De changer tes roues, c'est hyper clair. Polyvalent, c'est génial, quoi. Il y a combien de patinoires qui ferment l'été, donc c'est aussi ça. Hein. C'est ça, moi, ma patinoire, et c'est pour ça que je me suis acheté des inline artistiques aussi, hein, parce que la saison off, elle est de mai jusqu'à septembre. Et c'est énorme, mais jusqu'à septembre. Bien sûr, ouais. Tu vois, quand t'es pas à haut niveau, hein, parce qu'à haut niveau, t'as des stages et tout, tu continues, tu reprends, tu finis fin mi-juillet, tu reprends début août, quoi. Ouais, donc t'as... C'est comme donc le, ça comme va. Les... Ouais, ça c'est ce qui m'a toujours dégoûté, moi, c'est les clubs de foot qui ont pas de quasiment pas de vacances, quoi, même à petit niveau. Alors que dans tous les autres sports, bah t'as plus de deux t'as mois de vacances. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est énorme parce que quand t'es un sportif et que tu t'arrêtes aussi longtemps. Bah, c'est très dur la reprise, hein. C'est vraiment très dur, il faut te remettre dans... Allez, 2 mois pour te remettre vraiment dans le bain, quoi, et du coup, tu perds du temps. Alors que là, bah, j'avais la chance, en fait, de pouvoir ne pas m'arrêter. Donc, ouais... Et puis, bah, premier cours, en fait, j'étais tellement, tellement enjouée et tellement excitée que j'ai patiné sur le groupe des loisirs débutants, hein, comme j'avais fait en quad. Sauf qu'il y a une jeune patineuse qui m'a pas vue et on s'est rentré dedans et j'ai fait un très très méchant vol plané, mais vraiment très méchant, et j'ai atterri sur mon genou droit Et je me suis éclaté le genou, mais bien, quoi. Je l'ai pas senti tout de suite, j'ai mis de la bombe de froid, j'ai continué à patiner un peu, mais ça me faisait quand même mal, donc j'ai arrêté, je suis rentrée chez moi, et il avait triplé de volume, quoi. Donc j'ai pas patiné pendant une ou deux semaines, je crois, et puis ça allait un peu mieux. Ça me faisait mal dans certaines positions, mais pas tout le temps, quoi. Mais il y avait des trucs que je pouvais pas faire, hein, vraiment. Je me pliais sur ce genou-là en particulier, j'évitais. Mais du coup, je suis quand même retournée patiner pendant un petit mois, quand même. Et puis, mais j'avais mal et ça passait pas. Et moi, je suis un peu comme ça, tu vois. J'ai mal, je continue un peu, mais quand je vois que ça passe pas, au bout d'un mois, deux mois, je vais voir le médecin. Mais je vais pas voir le médecin tout de suite. Ouais, ouais, c'est ton mais côté c'était... derby girl. Ouais, mais ça a été ma grosse erreur, en fait. Hein. Parce que après les radios et l'échographie, en fait, je me suis fissuré le cartilage rotulien. Donc, et j'avais un épanchement synovial, c'est-à-dire que j'avais du liquide dans le genou, en fait. Donc c'était très moche, en fait. C'était très très moche. Et j'ai enchaîné 6 mois de kiné, quoi. Donc arrêt total du sport, 6 mois de kiné. Donc ma saison était foutue. Donc je venais juste de commencer l'inline et je voulais compléter avec la glace, mais c'était même pas la peine d'y penser, là. Donc, c'est bien, donc, ouais. On en rigole après coup. Ouais, c'est ça, mes grosses remises en question, du coup, parce que je me suis dit, merde, je suis adulte, est-ce que je peux encore patiner, quoi ? Est-ce que je vais pouvoir encore patiner ? Est-ce que je vais être capable de refaire ce que j'étais capable de faire ? Parce que, tu vois, j'étais partie pour reprendre l'artistique, les sauts, les compètes à fond et tout, quoi. Hein, vraiment, essayer de regagner un bon niveau. Ouais. Et puis, quand tout s'écroule comme ça, tu te dis, bon, ben, c'est la fin, quoi. Surtout que je suis allée voir le chirurgien pour mon genou qui m'a dit, ah, mais non, mais il faut arrêter le patinage artistique, hein, faut faire de la natation. Je l'ai regardé, je dis, vous m'avez vu là ? Moi, de la natation, non, moi je mets pas les pieds dans l'eau déjà. Ou je comptais les glacer, je dis pas, mais. Ouais. Non, c'était pas possible quoi, j'étais perdue. Et puis, bon, bah, quelques mois après, ça allait un peu mieux. Donc, après mes séances de kiné, je suis allée voir le médecin du sport qui m'a dit, mais non, vous allez pouvoir reprendre, ne vous inquiétez pas. Vous continuez encore un peu les séances de kiné, vous reprenez doucement quoi. Il faut écouter votre corps, il faut faire attention et ça va aller. Donc j'ai eu encore mal pendant un an après, donc ma première vraie saison d'inline artistique, de septembre jusqu'à juillet cette fois-ci, où bah là cette année-là je me suis dit je vais y aller doucement mais je veux faire de la compète quand même. Je voulais faire ma première compète inline, donc je me suis inscrite en troisième division inline, donc qui demande pas trop de forcer sur les sauts mais tu peux quand même présenter un joli programme quoi. Et ouais, j'avais un peu peur de sauter, hein, parce que le genou, il avait morflé, et puis c'est quand même mon genou de réception, donc tous les chocs, en fait, c'est celui-là qui réceptionne, c'est ce genou-là qui réceptionne les sauts. Donc effectivement, ça a été un peu compliqué au début, et puis me suis renforcée musculairement parlant aussi, cardio aussi, parce que j'avais pas fait de sport pendant 6 mois. Et puis, ben, ça a bien aidé. J'ai bien repris du poil de la bête, comme on dit. et puis, j'ai gagné ma première compète inline. J'étais trop contente. Cool. Mais t'as gagné pas mal. Enfin, non, t'as fait des podiums, mais là, ouais, t'as carrément gagné. Ben, tous les autres podiums, en fait, quand je dis que j'ai fait un podium, j'ai fait première à chaque fois. Ah, d'accord, ok. Donc, première compète inline. Et puis, il y avait de la concurrence. On était 7 ou 8, je crois. Hein. Donc, c'était cool, quoi. Ouais, donc c'était pas gagné d'avance, quoi. Non, c'était pas gagné. C'était pas si facile. Et puis, je suppose que le roller en ligne artistique, c'est un petit peu... Enfin, les gens ne commencent pas par ça. C'est plutôt des personnes qui ont fait du quad ou plutôt de la glace, comme toi. Ouais, qui ont fait du quad. La plupart ont fait de la glace avant. Il n'y en a pas beaucoup qui viennent du quad, qui se mettent à inline. Hein. Mais il y en a un peu, mais par curiosité, qui se lancent là-dedans, qui ont un bon niveau en quad et qui trouvent ça fun. Mais la plupart, ouais, viennent de la glace. Voire dans les adultes, il y en a qui ont commencé que l'inline. Ah ouais, c'est... Donc, ouais, ça arrive hein, de plus en plus. Mais c'est vrai que... j'avais un petit peu la pression quand même, parce qu'il y avait de la concurrence, c'était cool. Et puis, j'avais pas sauté depuis très longtemps, en fait. Je reprenais les sauts, mais j'avais pas sauté depuis mes années compétition nationale quand j'étais petite, quoi. Ouais, donc, c'est ça. T'as pas le même corps, quoi. Hein. T'as plus le même corps. C'est dur de sauter, hein. Ouais, c'est dur de sauter. Enfin, voilà, tu passes d'un corps de petite fille de 11 ans à un corps de femme adulte. C'est quand même pas la même chose. Et d'ailleurs, on le dit, hein, dans le patinage artistique sur glace, si on regarde les podiums, c'est des petites Russes qui sont pas formées, hein, qui font les podiums, hein, et il n'y a pas de secret. Hein. Donc, si elles sont capables de faire des quadruples sauts, c'est parce qu'elles ont le physique. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu regardes des patineurs, des patineuses qui ont de la poitrine et des fesses, elles sautent pas pareil. Hein. Ouais, donc voilà, non, ça a été vraiment super, et donc j'ai voulu y aller doucement cette première année, donc j'ai fait qu'une compète, j'ai fait que l'Open de Toulouse, et ça a été génial parce que l'ambiance était géniale, c'est hyper familial, hyper chaleureux, j'ai pu rencontrer les gens avec qui j'avais parlé, donc... ouais, que t'avais interviewé précédemment aussi ou... Ouais, que j'avais interviewé, ben, ouais. En l'occurrence Cathy, qui était venue avec tout son club, il y avait aussi ben, les champions que j'avais interviewés, donc c'était vraiment chouette, il y en a d'autres que j'ai rencontrés, que j'ai interviewés par la suite... ça a commencé comme ça, j'ai vraiment voulu développer le truc. Et puis, bah, cette année-là, d'ailleurs, j'ai complètement arrêté la glace. Hein, je me suis pas réinscrite hein, à la patinoire ouais. sur glace. J'ai dit, c'est pas la peine. Enfin, voilà, ils étaient pas du tout arrangeants. Je prenais même plus de plaisir à y aller, en fait. Hein, donc, il y a un moment, tu te dis, bon, bah, peut-être que finalement, mon avenir, c'est dans l'inline artistique. Exactement, oui. C'est ça. Et donc j'en ai profité, j'ai passé mon diplôme d'entraîneur en même temps dans mon club, le BEF1, qui est spécialisé en artistique. Du coup, il est spécialisé artistique, mais comme l'inline n'était pas intégrée à la fédération de roller à ce moment-là, si tu veux, elle n'était pas vraiment très intégrée, et elle l'est toujours pas complètement d'ailleurs, bah, le BEF, c'est un BEF d'artistique quad. D'accord. Donc moi, je me suis pas démontée, hein. J'y suis allée avec mes inline. Hein. J'y suis allée avec mes inline. Et puis mon dossier, je l'ai monté sur les inline et sur les quads parce que j'ai entraîné les quads et les inline. Sachant ouais. que j'avais fait un peu de quad, je me sentais quand même légitime, si tu veux, pour enseigner les quads. Oui, quand même. Ouais, tout à fait. Je l'aurais pas fait, tu vois, si j'avais pas fait un peu de quad avant, quoi. Ouais. Franchement. Le BEF, ça reste quand même un diplôme bénévole. C'est un diplôme d'entraîneur bénévole et d'initiation au patinage artistique. Donc, tu es sur un travail de base de patinage. Ouais. Mais tu vois, je ne me verrais pas passer un BF2 quad ou un CQP quad, par exemple. Parce que, clairement, je ne serais pas capable d'enseigner correctement le quad. Je suis capable d'enseigner les bases de patinage en quad. Mais dès que ça devient un peu pointu technique, c'est un peu plus chaud, quoi. Et c'est ton club qui t'avait payé le BF ou pas ? Ouais, mon club a financé le BEF. Donc voilà, du coup maintenant je suis entraîneur officiel dans le club, ça c'est cool. Je me sens super légitime, c'est chouette. Et donc j'entraîne à la fois le quad et inline dans mon club. Donc j'entraîne les groupes loisirs, débutants, initiation au quad. De temps en temps les nationales pour certains points, certains éléments techniques. Et j'ai quelques patineuses inline qui m'ont rejoint donc la saison suivante. En fait, et des filles qui venaient de la glace. Donc, comme tu disais tout à l'heure, est-ce que tu as récupéré des patineuses de glace dans ton club de roller ? Oui, la réponse est oui. Oui, mais celles avec qui tu patinais ou d'autres ? Eh bien, d'autres qui m'avaient vu patiner sur glace et qui me suivaient un petit peu sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc, merci les réseaux sociaux, parce que du coup, effectivement, j'en ai profité pour communiquer sur la discipline. Et puis, les patineuses adultes avec qui je faisais du inline, qui étaient intriguées par la discipline, mais à ce moment-là, voilà, elles comptaient que sur la glace. Et ben, finalement, avec le confinement, merci le confinement, se sont toutes achetées des inline. Et quand je te dis toutes, c'est que j'en ai 5 ou 6 dans ma région qui se sont achetées des inline, du coup. Ah ouais, c'est cool. Ah ouais, c'est vachement bien l'inline finalement. Ah ouais, c'est pas cher. Bon, bah je m'inscris dans ton club à la rentrée alors. Ah, t'as réussi à transformer. Vous êtes un gros club alors maintenant à Bordeaux. Ben, disons qu'avec le confinement, là, tout s'est arrêté en fait sur ces deux dernières années. Donc fait, j'ai encore rien pu faire. C'est très compliqué. Et les quelques copines en inline artistique, ben j'ai pu les aider, j'ai pu leur monter leurs patins. Donc, il y en a une qui s'était inscrite là en septembre, mais bon, malheureusement, comme les patineurs adultes, enfin les adultes ne pouvaient plus patiner dans les salles de sport, bah, elle en a fait un peu à l'extérieur, si tu veux, mais elle a même pas pu profiter encore du club ni de la salle, quoi. Donc c'est hyper triste. Donc j'espère qu'à la rentrée, je vais avoir de nouveau des adhérents dans le club. Ça pourrait être chouette, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que bon, c'était compliqué un peu à mettre en place parce que dans le club, si tu veux, c'est un club de quad à l'origine. Hein. Donc ils se sentaient pas forcément légitimes d'enseigner l'inline. Et comme j'ai passé mon BEF, si tu veux, ben moi j'ai pu. J'ai pu enseigner l'inline aux patineuses qui sont venues en inline, quoi. Mais ouais. Et alors maintenant, le pourcentage entre quad et inline, Il reste quand même très faible. Ouais, c'est il reste encore trop faible. Ouais, ouais. Ouais. En tout cas, en tant que adhérent à la Fédé Roller, si tu veux, en inline, on est encore très peu parce que bah il y a eu de gros conflits, si tu veux, au niveau des règlements compétition, quoi, tout simplement, et au niveau du jugement ces dernières années. Donc pour en revenir tout rapidement, tu vois, entre WIFSA et la Fédération de Roller, juste pour expliquer rapidement, la WIFSA, c'est un organisme privé associatif, si tu veux. Et la WIFSA, donc, c'est les sports de glace? Non, pas du tout. Non, c'est, pas du tout. C'est inline. C'est que c'est inline, mais international. D'accord. C'est une association internationale inline qui organise des compétitions vraiment en gros privées, si tu veux, mm-hmm. qui n'est rattachée à aucun autre organisme. Alors que bah, le roller, comme tu le sais, en France, c'est géré par l'État, c'est la Fédération de Roller, si ouais. tu veux, française, mm-hmm. qui est rattachée donc, à l'organisme international, la World Skates. D'accord ? Okay. Qui ouais. donc, enfin tout ça, tu sais, c'est organisé par les États, etc. Contrairement à la WIFSA qui est privée. Ouais. Et donc, jusque-là, en fait, l'inline a été un peu scindé en deux, parce que bah, tous les inliners qui venaient de la glace voulaient retrouver les règlements et les jugements de la glace, si tu veux. Donc ils se sont ouais. tous rattachés à la WIFSA. La WIFSA, elle a été créée pour ça. La WIFSA, à l'origine, c'est les règlements de glace qui ont été réadaptés pour l'inline. Contrairement à la FFRS, si tu veux, qui jusque-là proposait juste un circuit national très fermé à l'élite, juste aux patineurs élites, et qui était jugé par des juges de quad avec le règlement du quad. D'accord. Ce qui posait problème à plein de patineurs, en fait. Ouais. Parce que ça ne se juge pas de la même façon. Ouais. Faut prendre en compte quand même les particularités de chaque discipline. Comme les hockeyeurs, le roller hockey et le rink hockey, ben, ça ne se mélange pas, tu vois. Tout à fait. C'est pas les mêmes règlements, ils jouent pas ensemble, enfin bref. Voilà. Donc c'était très compliqué. Là, j'ai l'impression qu'on est un peu en train de s'en sortir. On arrive à trouver des compromis. On a réussi à proposer deux règlements quand même distincts entre le quad et l'inline. Donc les choses se font, mais doucement. Hein. La discipline se développe. Hein. Donc tout n'est bah pas oui, encore c'est, au point. C'est très jeune comme discipline de toute façon. Donc c'est faut... ça. Donc on croise les doigts pour que l'an prochain, on ait enfin, tu vois, qu'on ait enfin une vraie distinction et suffisamment de division en fait en inline pour justement bah, amener tous nos patineurs. Parce que les patineurs élites en France en inline, il y en a 4 quoi. Oui. Contre tous les autres adhérents, les patineurs adultes qui représentent vraiment la discipline en fait. Bah, oui, tout à fait. Ouais. Les clubs de Cathy, le club de Toulouse, c'est des gros clubs d'inline qui ont une centaine d'adhérents, tu vois, et bah, qui ne peuvent pas faire les compétitions FFRS pour le moment parce qu'il n'y a pas assez de division. C'est pas assez ouvert. Ouais, tout à fait. Ouais, voilà. Et puis jusque-là, c'était mal jugé, donc forcément, ils n'avaient pas envie d'emmener leur patineur, quoi. Hein, donc, ça se comprend. En fait. Ouais, bah après, faut voilà. Est-ce que la FFRS, enfin, va continuer à s'ouvrir, sûrement, mais faut voir. C'est pas forcément bénéfique pour elle de promouvoir ce sport. Enfin, elle a peut-être d'autres enjeux. Moi, j'en sais rien du tout. Hein, donc. Oui, voilà. Après, ce qu'on essaie de faire, c'est justement que bon, la WIFSA, on peut la conserver, mais par exemple, tu vois, pour proposer effectivement un Open international. Ouvert à toutes les disciplines, c'est-à-dire c'est en gros un petit championnat du monde ouvert à toutes les disciplines et à toutes les catégories. Comme ça, tu vois, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut. Mais comme aujourd'hui, officiellement, l'inline artistique en France est reconnue par la Fédération de Roller, si tu veux, on n'a pas le choix. Il nous manque ce circuit national et régional. On n'a pas de compétition régionale à la FFRS en inline artistique. Et ça pose problème parce qu'elle existe en quad. Oui. Voilà. Donc, En tout cas, on essaie de faire pour... Moi, j'essaie de communiquer au maximum. C'est pour ça que j'ai créé un groupe sur Facebook, hein, vraiment pour regrouper tout le monde, pour regrouper les gens qui venaient de la WIFSA, qui connaissent que la WIFSA, pour regrouper les gens de la FFRS qui ne connaissaient pas non plus la WIFSA aussi. Ça intéresse tout le monde. Il y a beaucoup de patineurs adultes. Avec le confinement, on est passé de... Je suis passée de 150 membres à 400, donc... Ah oui, ça a bien marché, le confinement. Ah ouais. Un truc de malade. Un truc de malade aux États-Unis, partout, c'est un truc de dingue. Donc, et puis j'ai rencontré d'autres patineurs qui communiquent aussi beaucoup avec moi. Donc on essaie de faire un travail mutuel hyper intéressant, international. Alors, en vrai, justement, ouais, en parlant de ça, je crois que tu as fait un podcast il n'y a pas très longtemps avec Adam Jukes. Ouais, tout à fait. Donc, est-ce que tu peux nous présenter Adam Jukes? Alors Adam, à l'origine, c'est un patineur artistique qui a fait aussi du couple artistique et qui fait surtout qui est spécialisé en show. En show en couple, avec des acrobaties un peu impressionnantes où il tourne sur lui-même et il balance la patineuse en l'air. Je ne sais pas si tu as déjà vu, mais c'est assez impressionnant. J'ai fait une interview de lui justement sur Roller en ligne, donc vous pouvez retrouver justement son interview sur le site. Et ouais, donc bah, il s'est rapproché de moi parce que j'avais déjà écrit pas mal d'articles sur l'inline, sur Roller en ligne, et il a trouvé mes articles super et il m'a dit mais il faut absolument qu'on travaille ensemble pour développer la discipline. Donc ça fait quelques mois maintenant voilà, qu'on travaille tous les deux ensemble pour développer la discipline, pour communiquer, pour parler matériel, et effectivement bah, on a fait ce podcast ensemble, petit live aussi... sur Instagram justement pour parler matos, surtout parce que moi j'adore parler matos. Ouais. Et ouais, donc bah, le but effectivement c'est d'essayer de tester un maximum de matériel possible, de tout ce qui se fait, de tout ce qui sort, de tout ce qui est bien, de tout ce qui est l'intérêt pour les patineurs d'avoir de la documentation, parce que comme je disais, il y a beaucoup de patineurs adultes et d'anciens patineurs qui se mettent à l'inline en fait pour compléter, mais qui manquaient d'informations jusque là. Alors voilà. Et ben justement, parce que là on a, je pense qu'on a fait le tour de ta carrière artistique. Ouais, ouais. Mais moi j'aimerais bien parler de tout le reste. Et donc bah là comment tu t'es mise à travailler avec Roller en ligne? Un peu au culot, comme je vais le faire. Ben, comme je disais, j'adorais Roller en ligne. Ça faisait déjà plusieurs années que je lisais, que je regardais le site, parce que j'ai commencé à regarder justement quand j'ai voulu entretenir mes rollers. Hein. Donc, ben, avec mon Tour de France de roller, là, forcément, j'ai dû chercher des infos pour entretenir mes K2. Avec le quad pour le derby, forcément. Et encore, il n'y avait pas trop d'articles sur le derby hein, non plus à l'époque, hein, parce qu'en 2010, ça commençait tout juste à se développer. Mais bon, il y avait des infos quand même sur entretenir ses roulements, visser, dévisser, ce genre de trucs, tu vois. Qu'est-ce que c'est qu'un extracteur de roulement? J'ai découvert des trucs super. Ah non, mais ce que j'aime bien, c'est que ça ne se démode pas. Enfin, je veux dire, un roller, non. C'est toujours un roller. Hein. C'est toujours d'actualité, les articles. Mais voilà, quand j'ai commencé l'artistique, savoir quelle roue j'avais besoin pour l'intérieur, quelle dureté, etc. C'est des infos que j'ai trouvées sur roller en ligne. Et comme il n'y avait rien sur l'inline artistique, je me suis dit, mais j'ai trop envie d'écrire là-dessus, j'ai trop envie de développer la discipline, donc je vais proposer. Et donc, je me suis présentée à Alex et je lui ai dit, écoute, voilà, moi j'ai vraiment envie de m'investir et d'écrire des articles sur le roller inline artistique, parce que personne ne l'a fait jusque-là. Mmh. Et du coup, lui, il était super emballé, il m'a dit, vas-y, pas de problème. Donc j'ai commencé effectivement par parler de la transition entre l'inline et la glace, pardon, et l'inline. C'était mon premier article. Et puis, j'ai enchaîné avec les interviews que j'avais faites. Et puis, puis voilà, ça fait son petit bonhomme de chemin jusque-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment parler matos aussi. Alors, ça fait combien de temps que tu es sur Roller en ligne? Que j'écris, ça fait depuis que j'ai commencé l'inline, en fait. Donc, depuis 2017. Voilà. D'accord, ok. Donc, ça fait 4 ans maintenant. Et alors donc t'as pas que roller en ligne, je sais que t'as un compte Facebook, t'as un compte Instagram, ouais. T'as une chaîne YouTube, ouais. T'as quoi d'autre encore que j'aurais oublié? Juste en médias comme ça, bah ouais, là c'est les principaux. Après, bon, enfin, voit mon site patinage adulte, hein, donc. Il est toujours d'actualité, celui que tu avais créé. Bien sûr, ouais. Je le mets régulièrement à jour. Après, c'est vrai que j'ajoute moins de choses parce que je parle beaucoup inline. Il faut que j'actualise un peu des trucs. Je veux que ça reste quand même ciblé sur le patinage adulte, mais j'ai fait un onglet spécial inline artistique du coup. Parce que ça reste quand même intéressant. Voilà. Et après, bon, bah, dans les sites, bah, j'ai ma boutique, hein, avec mes illustrations. Ouais. Donc il y a une page Facebook et la boutique directe qui est sur Spreadshirt. Parce que, voilà, Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter sur ta boutique ? Ben, vraiment de tout, quoi. Enfin, si vous regardez sur Spreadshirt, en fait, le concept, si tu veux, c'est que les illustrateurs viennent mettre leurs dessins sur ce site-là. Et après, toi, tu choisis n'importe quel produit et tu viens appliquer le dessin de l'illustrateur sur le produit que tu veux. D'accord. Voilà. Sachant que tu peux aussi retravailler, ajouter du texte, modifier les couleurs du produit, etc. C'est de la personnalisation complète. C'est vraiment sympa. Et c'est à prix vraiment très raisonnable, sachant que c'est un peu de l'exploitation pour les artistes, hein, faut bien le dire quand même, parce que en fait par vente, je gagne un pourcentage très très faible sur la vente. Je suis juste rémunérée pour mon illustration. Donc par exemple sur un t-shirt que tu vas payer 15 euros, je vais gagner 3 euros, quoi. D'accord. En fait. Ok. Voilà. Bon. Sachant que, comme je suis très spécialisée patinage, je ne fais pas des ventes tous les jours non plus. Hein. Oui, je me doute bien. Tu t'en doutes. Mais ouais. Voilà, ce qui est sympa, c'est que du coup, j'ai fait des illustrations vraiment pour les patineurs artistiques. J'ai fait un peu d'autres disciplines aussi. J'ai fait un peu de freestyle, j'ai fait donc du quad, un peu de derby, de l'inline artistique, de la glace. Et donc on retrouve toutes ces illustrations là sur mon site boucle 3 braquettes, en référence à trois figures de patinage. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et donc tu me disais que tu aimais bien mettre les mains dans les rollers. Comment t'as appris en fait à modifier tes rollers ? Bah toute seule, en faisant des expériences. Est-ce qu'il y a déjà une roue qui est partie pendant que tu roulais, ou une patine qui s'est desserrée? Alors ouais, ça c'est rigolo. Ça m'est arrivé, je faisais de la Zumba sur roller en soirée disco avec mes quads artistiques. Ouais. Et j'étais en train de danser, j'ai une roue qui s'est barrée. En fait, j'ai un bout de truck qui s'est barré, quoi. D'accord. J'ai mon truc qui s'est dévissé, j'avais pas vérifié avant. Bon, c'est le genre de truc maintenant que je fais gaffe, quoi. Je vérifie mes visseries avant de patiner. Mais oui, jusque-là, t'as pas forcément le réflexe, mais t'apprends, quoi. T'apprends tout seul. Puis tu te perfectionnes, et puis t'essayes des trucs. Donc au niveau des duretés de roue, par exemple, les choix des duretés de roue, c'est un peu comme un affûtage de lame, c'est très personnel. Donc moi j'aime bien quand ça accroche, mais pas trop, parce que du coup tu perds en vitesse si ça accroche trop. Si t'as les roues qui collent, tu peux plus rien faire. Enfin bref, c'est de l'expérience. J'essaie des trucs régulièrement, le plus possible. J'écris beaucoup mes tests, mes ressentis. Et c'est pour ça que j'arrive à être précise en fait sur mes articles, hein. C'est parce que je théorise énormément en fait. Je théorise beaucoup ce que je fais. Combien de temps tu passes pour écrire un article, et quel genre d'article tu peux écrire? Des tests, des interviews, autre chose, des dossiers? Les deux. J'aime bien les interviews parce que j'aime bien comprendre l'expérience d'un autre patineur, parce qu'on n'a pas tous les mêmes ressentis, on n'a pas tous la même expérience, donc je trouve ça important en fait de pouvoir montrer différentes expériences. Moi, j'ai ma propre expérience personnelle, mais c'est pas la meilleure. Ça sera jamais la meilleure. Et je crois que mutualiser justement les expériences d'un maximum de patineurs, c'est là que t'arrives à avoir une vraie justesse, tu vois, en termes de références, de choix, de tests, etc. Ouais. C'est pour ça que quand j'ai écrit mon premier article sur Pixskate et Snow White, j'ai demandé à autant de patineurs sur Pixcate qu'aux patineurs sur Snow White pour avoir vraiment, tu vois, pouvoir vraiment faire mon choix et avoir un panel large, si tu veux, un sondage, si tu veux, une sorte de vrai sondage. Tu as essayé de ne pas avoir trop de biais et de faire un truc un peu scientifique, un vrai truc. Ouais, c'est de faire un truc un peu sérieux, quoi. Un peu sérieux, je dis pas que j'ai fait un truc non plus professionnel, mais j'essaie d'être sérieux, d'être sérieuse dans mes écrits et de faire une vraie recherche. Que tu connais des personnes qui s'y connaissent mieux que toi en roller, en France et dans le monde? Sûrement. Je les connais pas. En roller artistique, je veux dire. En roller artistique, alors en inline? Ouais, oui, inline, bien sûr. C'est hyper délicat. Il y a des gens qui patinent depuis longtemps. Avec l'inline, oui. Depuis beaucoup plus longtemps que moi, mais qui, comme je te dis, ne sont pas capables de théoriser et d'expliquer. C'est tout à fait. C'est encore. Il y en a. Je le sens mieux, mais je. C'est très rare. C'est très rare et j'en ai pas trouvé jusque-là, à part Adam, justement, qui, depuis quelques temps, s'intéresse vraiment à cet aspect technique et essaye de théoriser aussi. Alors, lui, il écrit pas d'articles, mais du coup, il fait des vidéos, ce qui reste intéressant aussi, si tu veux. Il parle vraiment de ses ressentis en vidéo, il montre les choses, donc ça reste intéressant. Mais c'est vrai que le fait de mutualiser avec lui mes ressentis à moi, on arrive à avoir quelque chose de très précis, très concret, qui est à la fois théorisé par écrit et à la fois sous forme de vidéo. Donc, on essaie d'avoir, tu vois, quelque chose d'hyper bien, quoi. Oui, bah bien sûr. Ouais. Ouais, moi, j'aimerais bien que tu me fasses des tests sur le podcast, mais c'est vrai que c'est pas évident à faire sans photos ni vidéos. On a besoin de visuels quand même dans le patinage, dans le matériel. Moi, j'aimerais bien faire des tests audio aussi, mais ça a besoin d'être visuel quand même au niveau du patinage. Mais ça reste quand même super intéressant. Et c'est pour ça que j'ai adoré le podcast que j'ai fait avec Adam, parce que justement, on avait vraiment des ressentis différents sur certains trucs. On a deux expériences différentes quand même de patinage. Moi, je suis pas une vraie patineuse adulte parce que j'ai eu une carrière avant, mais il y a des vrais patineurs adultes, tu vois, qui découvrent la discipline et qui forcément vont avoir encore un ressenti différent sur certaines platines, donc ça reste quand même intéressant. Là, en ce moment, je travaille avec... j'ai une copine qui m'a rejoint dans mon club, là, qui va me rejoindre dans mon club à la rentrée et qui a un DGEPS en patinage artistique sur glace, donc c'est vraiment son métier, qui vient de se mettre au roller aussi. Et elle a encore une expérience différente, quoi. Et je lui ai fait essayer différentes platines aussi, et elle ressent encore des trucs différents par rapport à moi et par rapport à Adam, donc ça reste aussi intéressant, en fait. Ça reste quelque chose de personnel, un roller, en fait. Il n'y a pas un bon roller ou un mauvais roller, en fait, tu vois. Bien sûr, oui, il y a le roller pour, qui va coûter 3 francs 6 sous et qui sera bien pour le débutant. Et puis il y a celui qui aura le pied qui va aller dans un Pixcate. En fait, le problème, c'est qu'il y a deux choses à prendre en compte dans le patinage, c'est la bottine et la platine. C'est être bien dans sa bottine et être bien avec sa platine. Tu peux avoir une bottine pourrie mais une platine géniale, mais du coup, tu vas pas te sentir bien, et inversement. Bien sûr. Tu vois? Moi, j'ai eu ce problème-là. Pendant des années, j'ai patiné avec Risport, mais je me sentais pas bien dedans. Et puis, j'ai découvert les Golden Horse, qui sont custom, et je me sens tellement bien dedans, quoi. Et je sais que je pourrais patiner avec n'importe quelle platine avec, mais maintenant que j'ai essayé plusieurs platines, j'ai aussi mes préférences de platine, tu vois. Pour pas être biaisé, j'ai patiné avec la même bottine à chaque fois, mais avec une platine différente, pour vraiment sentir les différences entre les platines, tu vois. C'est du boulot, hein. C'est du boulot. Quand je fais un test de roller, je passe plusieurs mois en fait à faire le test. C'est-à-dire que j'essaye vraiment un truc dans tous les sens. J'essaye de patiner avec deux pieds, avec deux patins différents, deux platines différentes. Tu vois, enfin, je veux dire, ça fait marrer tout le monde. Je fais rigoler mes copines entraîneurs au patin, mais. Mais c'est comme ça que tu arrives à avoir un. Tout à fait, au moins tu arrives à avoir précis. Un truc. Je vais jusqu'à mesurer la distance entre les axes de roue, la distance de rockering, la distance entre les freins, la hauteur des freins, au millimètre près. D'accord, ouais. Enfin, j'ai mes petits documents et tout, quoi, hein, perso. Ah mais ouais, c'est vrai. il y a un vrai travail. Un vrai travail de recherche derrière, en fait. Et j'adore la recherche. Et tu testes combien de paires par année? C'est très compliqué, en fait, le test, parce qu'il faut négocier avec les marques. Marques, elles n'ont pas toutes, envie de te donner du matériel à tester. Donc, l'avantage, c'est que j'ai des patineuses qui ont aussi des platines différentes. Donc, je teste leurs patins. J'ai des petits pieds. C'est super avantageux. Oui, tu rentres dans tous. Mais... Je rentre dans tous, du coup. Ouais. Donc, c'est cool, effectivement. Mais par exemple, STD n'a pas voulu me donner en test leur platine. Mais j'ai une de mes patineuses qui fait du 35,5. Et je lui ai monté sa platine STD. Elle avait acheté STD parce qu'elle la trouve jolie. Donc, j'ai pu faire le test comme ça. Comme quoi. Et oui, le design, c'est important aussi. Ouais. Bon, en fait, je ne les ai pas du tout aimées, les platines, mais... Oui, mais voilà. Elle n'a pas choisi suivant un critère de confort ou de technique. Elle a dit, c'est beau, je les prends. En même temps, elle est petite, elle a 9 ans, quoi. Ah, d'accord, ok. Bah oui. Ça se comprend. Tu te poses pas trop les questions du matériel à cet âge-là. Et puis même, les parents, c'est souvent les parents qui achètent, donc ils font un choix au niveau du prix aussi. Il y a ça qui compte. Mais oui, effectivement, je passe plusieurs semaines, plusieurs mois à faire un test complet, à prendre les photos, avoir la bonne lumière. Le premier essai ne sera pas le même que le 10e, hein, donc les sensations vont être différentes. Là, mon dernier test, ça a été avec les Jackson. Les Jackson, ils ont été honnêtes. Hein, la firme a dit que c'était une énième copie des Snow White, un peu améliorée. Mais j'ai pu tester des nouvelles bottines aussi, et en fait je me suis pas du tout sentie bien dans les bottines, donc j'ai pris assez de recul, j'ai compris pourquoi j'étais pas bien dedans, et j'ai pu faire un article objectif, si tu veux, en disant je vais pas faire un test sur les bottines et je vais pas donner mon avis sur les bottines parce que je sais que mon avis sera biaisé par mon confort. Ouais. Bien sûr, ouais. Alors que ça pourrait très bien convenir à quelqu'un d'autre. Donc, ça pourrait très bien convenir à quelqu'un d'autre, voilà. Après, ce que j'ai reproché, c'est que la bottine, en fait, qui m'a été fournie avec les platines, c'est une vraie bottine de glace. Et donc, elle est très rembourrée, elle est très chaude pour la glace. Donc, pour les rollers, c'est pas l'idéal. Et le talon est très haut, en fait, parce qu'elle correspond au rockering d'une lame de glace, mais qui n'est pas du tout le même sur les rollers. D'accord. Donc l'équilibre est assez perturbé, en fait. Mais pour quelqu'un qui a une très mauvaise flexibilité au niveau de la cheville, ça peut être intéressant d'avoir un talon plus haut. Donc c'est pour ça que tu vois, tu peux pas dire elle est pas bien. Et de toute façon, c'est pas le but. Dans un article, je vais jamais donner mon avis personnel en disant j'aime ou j'aime pas, mais sans dire pourquoi, tu vois. Bien sûr, oui, tu étayes tes arguments. Il faut étayer les arguments, il faut garder une certaine objectivité, sinon c'est pas cohérent, quoi. Et alors, tu as déjà à moitié répondu, mais donc je te pose vraiment la question, avec quoi tu roules en ce moment? Je disais, je suis avec les Golden Horse Maestro. Alors le Maestro, je mets vraiment une parenthèse là-dessus, c'est juste le look du Maestro, mais j'ai la dureté des classiques, du modèle classique, qui est un peu plus soft. Maestro, c'est vraiment pour les quadruples. Hein. Moi, je fais plus de, enfin, je fais plus de quadruples. J'en ai jamais fait de toute façon. Ouais. Donc, les classiques me suffisent amplement parce que on est sur une dureté de 75 ou 80, je sais plus exactement, qui est très suffisant pour les doubles, en fait. Donc ça me va très bien. Et c'est un confort absolu pour mes pieds, donc je suis ravie de cette bottine. Et en platine, donc j'ai la meilleure platine Golden Horse, c'est la Vente LT, qui est donc une super platine, vraiment tip-top, je l'adore. Ça fait du coup depuis octobre que je l'utilise. Et franchement, je m'en lasse pas. Contrairement à Rollline, qui m'a un peu embêtée, ou Peakskate, hein, que j'ai moins aimé. Mais encore, c'est toujours personnel. Là, vraiment, je dis, c'est personnel. C'est suivant le ressenti de chacun. Il faut comprendre que, d'une platine à l'autre, on ne va pas avoir le même ressenti. Hein. Et alors, la dernière année où tu as pu faire du roller en ligne, en club, je veux dire, tu passais combien de temps par semaine sur tes rollers? Entre 6 et 8 heures. Ouais. Et c'était quoi? C'était que en salle ou tu en faisais aussi? Non, que en salle. Là, je parle vraiment que d'entraînement encadré en salle. Ouais, ça tourne à 6-8 heures. Après, jusque-là, je m'entraînais dehors, mais que l'été, sur la partie off de la saison, si tu veux. Ouais. Mais je pense que je vais le faire davantage, hein, peut-être la saison prochaine, si j'ai l'occasion, quand il fait encore beau et tout, d'aller m'entraîner un peu mes jours où j'ai pas patin. Mmh. Mais l'été, je continue à le faire de toute façon parce que je veux pas perdre, en fait, tu vois. Je veux pas perdre de l'entraînement et c'est quand même chouette. Et est-ce que quand tu fais du roller, c'est que de l'artistique, c'est que de l'entraînement, ou est-ce que des fois tu chausses une autre paire et tu vas faire autre chose? Alors, depuis cette année, comme j'ai eu gracieusement par Golden Horse des quads pour faire de la roller dance, bah, je suis bien tentée de m'y mettre un petit peu. Donc ouais, je vais peut-être me lancer un peu dans la roller dance, faire pour me la péter en soirée disco roller. Je trouve ça fun d'avoir des roues qui font de la lumière et des patins en velours rouge. Moi, je trouve ça top. Mais ouais, voilà. Non, juste pour le fun, faire un peu de roller dance, ça me plaît bien. En plus, à Bordeaux, c'est chouette parce qu'on a une salle de roller dance exclusivement qui vient de s'ouvrir. Donc j'ai envie d'aller tester un peu là-bas, ouais. C'est ça. Et c'est payant ou c'est... Ouais, comment c'est payant, ça marche? Ouais. C'est payant. C'est un vrai club, hein, qui s'est installé là-bas, ouais. Si tu veux. Et c'est cher, par contre, je trouve. Ils font quelques séances libres dans la semaine, en journée. Et l'entrée, c'est 10 euros, le tarif. Donc, pour combien de temps? Le temps de l'ouverture, quoi. Donc, je crois que c'est 4 heures, quelque chose comme ça. D'accord. Et donc, tu fais du sur-place pendant 4 heures. Après, c'est... Voilà, ouais. C'est... Chacun a son... Bon, moi, j'ai mon club, donc... Je sais que dans mon club, on organise des soirées disco roller, donc je pense pas forcément aller dans ce club en particulier là pour aller faire de la roller dance, alors que dans mon club, je peux le faire gratos. Ah ben, écoute, moi, je fais du badminton et y a plein de personnes qui ont pourtant, enfin, qui veulent payer le week-end des salles de badminton pour aller faire du badminton avec d'autres personnes. Sais. Moi, je comprends pas. Moi, c'est un truc qui me dépasse aussi. Mais je comprends, il y a un DJ, il y a de l'ambiance et tout. Mais en fait, dans notre club, pour les disco rollers, il y a de l'ambiance et tout. Et un DJ aussi, et des lumières. Et... Sauf qu'on fait payer 3 euros l'entrée, quoi. Ah bah, après, c'est du marketing, il y a plein de choses. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, et puis voilà. Hein, je vais pas remettre en question leurs ambitions, et trouve très chouette que voilà. Ça promeut le roller, donc continuez. C'est ça. Ouais, on va pas cracher dessus, au contraire. C'est bien, qu'ils le fassent, et ça pourra me dépanner si un jour j'ai plus de salle, par exemple. En plus. Voilà. En plus, ouais. Non, c'est chouette. C'est chouette. Mais ça se développe vachement depuis quelques temps. En tout cas, avec le confinement, là, il y a eu vraiment un boom du quad de roller dance. Parce que tu peux le faire chez toi aussi, quoi, dans ton salon. Donc, mais c'est ce côté-là que j'aime moins, en fait, de la roller dance et le surplace. Je trouve ça un peu chiant, mais... C'est peu facile, quoi. Oh, bah c'est un peu... Oui, enfin, c'est un peu facile, mais c'est... Effectivement, pour moi, c'est pas vraiment du roller, quoi. Non, c'est pas vraiment du roller, voilà. C'est de la danse avec des rollers au pied, mais c'est pas vraiment du roller. Disons que moi, ce que j'aime dans le roller, c'est quand même cette vitesse, ce sentiment de liberté, de glisse, tu vois. Dans la roller dance, tu l'as pas, quoi. Tu fais vraiment du surplace. Bon, après, fait, moi, je suis vraiment fan de Chloé Cérès, qui est vraiment une pro de la roller dance, qui est une pro du roller tout court, hein, d'ailleurs, qui fait des vidéos géniales, des tutos super, d'ailleurs, qu'on retrouve sur Roller en ligne, de roller dance. C'est toujours pareil, c'est comme dans toutes les disciplines, ceux qui ont un bon niveau, c'est chouette à regarder, quoi. Ouais. C'est comme ouais, tout. Moi, ce que j'aime pas dans le roller dance, enfin, j'en ai jamais vraiment fait, mais il me semble qu'il faut compter comme la danse, quoi. Ah, toujours, oui, bien sûr. Ouais, compter, ouais. Mais tu sais que mes programmes, je les compte, hein. Ouais, bah j'ai 2 minutes 30 de programme, je compte tout le temps. Hein. C'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ah ouais, alors moi je voilà, après, je me sens pas du tout libre. Non, ouais. Tu le fais instinctivement au bout d'un moment, mais en fait, oui, c'est suivre ça, la musique. C'est comme tout, en fait, il faut passer par des heures de travail pour que ça devienne du plaisir. Et yes. Que ce soit instinctif et que tu puisses. Broder, mettre ton imagination pour améliorer ce que tu fais. Mais au début, c'est il faut compter, et une fois que c'est instinctif de compter, ouais. Là tu vas te permettre de tendre le bras que tu n'aurais pas fait avant, parce que tu peux penser à autre chose. C'est ça, c'est une vraie chorégraphie, c'est de la danse. Ah, quoi. Ouais, donc, oui, il faut aimer la danse pour faire ça. Danse sur glace, ouais, bien sûr. Ouais, c'est... ouais. Et alors, donc, tu as d'autres idoles en patinage ? Enfin, t'en as un peu parlé déjà pendant le podcast. Bah ouais, j'ai parlé de Surya Bonaly, Marina Anissina, parce que bon, moi, c'est une championne olympique, et puis elle faisait de la danse sur glace, donc c'est comme ça que j'ai aimé la danse sur glace aussi. Et puis, elle est quand même trop balèze, elle portait son partenaire, hein, quand même, faut le dire. Ah oui, quand même, ouais. Ouais. Ouais, c'est pour ça que je l'aimais bien. Et Jason Brown, qui fait partie de la Team USA, qui est vraiment... j'adore son patinage. Il a un patinage très féminin, hein, mais d'une grâce juste absolue. C'est pas le meilleur patineur au monde. Tu vois, il sera pas aussi bon que certains patineurs japonais ou russes, mais il a cette grâce et cette interprétation qui est juste incroyable, que j'adore. Plushenko, que tout le monde connaît, hein, bon, même si. Mais alors toi, justement, je vais rebondir là-dessus. Toi, qu'est-ce que tu travailles quand tu fais tes programmes ? Est-ce que tu vas travailler plus la grâce, le... Tout. C'est quoi que tu... Tout. Tout, c'est un tout. Et ton point fort alors ? Je pense que c'est cette partie grâce interprétation. Patiner en musique, en fait. En tout cas, en artistique, ça se fait pas trop. Ça se fait en danse sur glace. Mais en artistique, les patineurs oublient beaucoup l'interprétation et restent très figés sur la partie performance et performer sur les sauts, sur les pirouettes. Alors que moi, ce que je vais chercher, c'est raconter une histoire à travers le programme. C'est interpréter le programme. C'est pas juste performer, en fait, tu vois. C'est ça qui me plaît vraiment, en fait, dans le roller, dans le patinage artistique. Parce que n'importe qui peut faire des sauts, n'importe qui peut faire des pirouettes. Du moment où il s'entraîne un peu là-dessus. Mais par contre, interpréter et raconter une histoire à travers sa musique, c'est autre chose. Tu peux me donner un exemple de musique que tu as choisi ? Par exemple, ça dépend, sur glace, sur roller, n'importe. Par exemple. Ouais. Ma seule compétition en inline, malheureusement, jusque-là, j'ai travaillé sur la musique de Beyoncé. Voilà, à l'époque, c'était Destiny's Child. C'était Survivor, qui est super connu, qui a bien marché, qui a été reprise. Ah, attends, c'est quoi Survivor ? I'm a survivor, nanana, okay. Tu vois ? Je vois, c'est bien ce que je pensais, mais voilà, au moins tout le monde, tous les auditeurs l'ont, voilà. Maintenant. Ouais. Et donc, bien péchu. Ouais. Ouais, mais alors en version épique, quoi, reprise par Two Way, je sais pas si tu connais ce groupe, il est très branché en ce moment, qui s'écrit 2WEI. Et bon, écoutez-la, cette chanson, elle a été beaucoup reprise en patinage en plus. Hein. Et ouais, je sortais de ma blessure, en fait, après mes 6 mois, 1 an de pause, là. Je me suis dit, mais c'est exactement cette chanson qu'il me faut, tu vois, pour reprendre la compète, quoi. Ouais. Et donc, j'ai vraiment incarné la survivante, quoi, tu vois, qui a survécu à sa blessure, et c'est comme ça que j'ai construit mon programme, quoi. Donc, D'accord. Donc tu commences avec des gestes forts où tu te relèves de ta blessure. Donc dans mon programme, c'est ce que je raconte, je me relève de ma blessure, j'attaque, j'ai une posture agressive, j'ai une posture de survivante, de championne, quoi. C'est comme ça, tu vois, que je construis mon programme. Par exemple, sur glace, j'ai voulu travailler sur l'année où j'ai pas fait de compétition, du coup, la dernière année, où je voulais travailler sur une légende polynésienne, en fait. Donc, j'avais choisi le chant polynésien qui raconte cette histoire polynésienne. Mmh. Donc, cette légende qui parle, en fait, d'une, d'une princesse polynésienne qui défie les dieux, et en fait elle finit par se faire bouffer par un poisson. L'histoire est géniale, et le poisson brise en fait une île en deux, et ça devient la naissance de Tahiti et je sais plus quelle autre île, bref. C'est génial. L'histoire, la légende est géniale. Si vous connaissez pas, c'est la légende de Terehe, qui est qui est une histoire très connue en Polynésie en fait. Et et ouais, je voulais vraiment représenter Terehe qui se pavane devant les dieux et qui finit par se faire bouffer par le poisson, quoi. C'était génial. J'aimais vraiment. Ouais. C'est vraiment de raconter une histoire. En tant qu'adulte, on peut vraiment s'amuser à faire ça. Quand on est trop jeune, on n'a pas cette conscience-là d'interprétation, tu vois. Ouais, ou c'est pas la même. Effectivement, c'est pas la même. Et tu fais des vêtements sur mesure? Ouais, j'essaie de bricoler mes costumes. De patinage. C'est vrai, j'essaie de bricoler mes costumes. J'essaie de faire en sorte que voilà, on raconte cette histoire-là. Et je peux même vous donner en exclusivité le thème de mon prochain programme, qui est en fait, je me suis basée sur le film qui s'appelle A Ghost Story, qui est en fait l'histoire d'un homme qui se fait frapper de plein fouet par une voiture et qui vit sa vie en tant que fantôme, c'est génial. Et donc qui hante la maison et qui hante en même temps la vie de sa femme. C'est assez terrible cette histoire. Ils sont toujours amoureux, ils sont toujours connectés d'une certaine façon, c'est génial. Je vous raconte pas la fin parce que c'est pas drôle, mais regardez le film, il est très très beau, très poétique, c'est magnifique et extrêmement bien construit. Et ce qui est chouette, c'est que je vais incarner ce fantôme dans mon programme, donc forcément j'ai un costume qui va rappeler le voile du fantôme, quoi. D'accord, ok. Voilà. Ça nous met l'eau à la bouche. Ouais, c'est très scénarisé aussi. Hein. J'adore scénariser mes programmes. Ouais. Alors revenons-en à tes idoles. Tu parlais de Plushenko. Plushenko, oui, qui est le patineur russe que j'ai le plus adoré en fait. J'aime beaucoup les Russes, hein, faut croire, parce qu'entre Marina Nissena et lui. Et sur roller, après Antonio Panfili, avec qui je suis pas mal copine aussi, on discute beaucoup matériel, il est super intéressant. Adam Juk a fait un podcast sur lui aussi, donc je vous conseille de le regarder. Et Yifan Chen aussi, qui est un patineur taïwanais, si je dis pas de bêtises. Et il y a aussi un podcast sur lui avec Adam Juk. Donc c'est intéressant parce qu'ils ont deux points de vue complètement différents. Antonio vient de la glace et Yifan Chen vient du quad. Il a fait quad, il fait quad et inline, hein. Il fait les deux disciplines, donc il est hyper fort, quoi. Voilà, et j'ai pas vraiment de coup de cœur chez les filles pour le moment. Donc je suis assez déçue, mais il faut que le niveau progresse aussi, il faut que ça se développe, hein. C'est toujours pareil. Voilà. Ok, bon, on va se... Je vais poser mes quelques dernières questions, ouais. Qui sont à peu près communes pour toutes les interviews que je fais. Là, ce sont le troisième portrait de patineur que je fais, mais... Enfin, bon, bref, j'espère en faire d'autres encore. Comment est-ce que tu penses que les autres personnes, donc politiques ou kidam, perçoivent le roller? Comme je disais, le problème du sport en France, hein, je parle vraiment du sport en France, c'est que c'est considéré comme un loisir. Le sport, à part le foot, hein, malheureusement, mais la plupart des sports en France sont considérés comme des loisirs, contrairement à d'autres pays. Donc c'est très difficile d'avoir des patineurs et des sportifs de haut niveau, en fait. Et quelque part c'est sain, et quelque part malheureusement, tu vois, on pourra jamais égaler d'autres fédérations dans d'autres pays, donc tant que ça sera pas pris au sérieux en France. Et justement, j'en discutais avec ma collègue entraîneur russe qui me disait en Russie c'est le sport national, le patinage, donc il y a des patinoires partout, il y a du patinage public et gratuit partout, accessible à tout le monde. Arrêter l'école pour patiner, c'est normal, tu vois. Enfin, c'est des trucs, il y a un vrai soutien des sportifs qu'on n'a pas en France. En France, si tu essaies d'en faire ton métier, c'est la merde, quoi. C'est très compliqué. Des entraîneurs de patinage artistique sur roller qui sont salariés, il n'y en a pas des masses. Hein. Parce que la plupart des entraîneurs dans les clubs, c'est des bénévoles. Hein. J'ai interviewé Ken Chalot, effectivement, qui lui donc vit du roller. Bah, il dit qu'il en vit mal, hein. Enfin, il fait ça par amour de la discipline. Bah, mais t'es obligé, que... ouais, parce qu'effectivement, voilà, hein. Mais, ouais. C'est difficile, hein. C'est très difficile de trouver une place dans un club, déjà. Donc ça veut dire que t'es obligé de déménager pour essayer de trouver une place quelque part. Et puis faire vivre le club, c'est encore une autre histoire. Après, ça dépend aussi de la présidence. Donc malheureusement, pour les entraîneurs de club, c'est compliqué. Pour les alors, patineurs mais d'un aussi. Côté, alors je suis d'accord, mais d'un autre côté, c'est un petit peu le sport. Hein. Quand tu regardes le foot, les entraîneurs de foot, ils font pas une saison hein, dans un club de haut niveau. Non, c'est ça. Ouais, c'est compliqué. Mais c'est parce que c'est vraiment un problème du statut du sport en France, en fait. C'est d'accord. Enfin voilà. Donc voilà ton. Ouais, c'est ça. Ton opinion. Si ça pouvait changer un petit peu en France, et on pourrait avoir de meilleurs sportifs aussi. Hein. Un meilleur classement à l'international. Et ça débloquerait tout le reste, du coup. Ok. Pourquoi est-ce que tu aimes le roller ? Je reprends ce que j'ai un peu dit avant, mais je voulais faire comme Surya Bonali. Hein, donc, l'avantage du roller, c'est que c'est un sport complet. Comme je disais, c'est de la performance, c'est de la technique, c'est du spectacle, c'est de la danse. Moi, ce que j'aime, comme je disais, c'est vraiment la partie performance du roller. Ouais. Et donc là aujourd'hui on se dirige vers le travail de l'interprétation, donc c'est vraiment du show en fait, c'est du spectacle sur roller quoi. Quand tu fais un programme, tu fais une représentation. Ouais. En anglais le mot c'est to perform. Ouais, c'est ça. Vraiment la ça représentation, c'est patiner pour un public, c'est se donner en spectacle hein. C'est très égocentrique tout ça. Mais ouais, c'est l'avenir de la glace, le roller, vraiment, j'y crois vraiment en fait. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où les patinoires coûtent de plus en plus cher, elles ferment, elles sont de moins en moins accessibles, pour moi, ouais, le roller, j'espère qu'un jour le roller va prendre le relais sur la glace, quoi. À ce point-là, Ouais, à ce point-là, très honnêtement, et on est plusieurs à le penser hein, dans l'inline artistique. Ah, mais c'est parce que vous avez le nez dedans aussi et que vous croyez des choses... On vient de la glace, hein. On vient de la glace pourtant, mais on y croit. Enfin... Je te jure, on y croit, quoi. Bah, c'est bien d'y croire. Mais parce que quand tu vois le coût, et même d'un point de vue purement écologique, quoi, c'est pas écolo du tout, une patinoire à glace, hein. C'est des frigos énormes, c'est une consommation juste aberrante en fait, et dans le monde dans lequel on vit, c'est pas juste, tu vois, on devrait plus en avoir, on devrait plus. Mm-hmm. C'est pas bien, il faut pas. Venez faire du roller. Voilà, si vous êtes écolo, mettez-vous au roller. Grave. Et par contre, usez vos roues jusqu'à la moelle, jusqu'au noyau. Jusqu'à la moelle, parce que ce qu'on disait, les roues non plus, c'est pas très écolo. Le roller, en fait, c'est non, mais si on arrive à créer des roues recyclées, etc., tu vois, un vrai circuit intéressant, je crois que c'est faisable. Hein. Ils n'y ont peut-être pas encore pensé, mais... tout est faisable dans ces cas-là, si on n'a pas encore la solution. Non, mais bien sûr, enfin... Oui. Mais tu sais qu'à l'origine, de toute façon, les patinoires à glace, c'est assez récent. Hein, parce qu'avant, les compétiteurs, la saison, elle était juste hivernale et c'est tout, parce qu'il y avait les lacs gelés. Mais, oui, tout à fait. Mais on en revient à l'origine, en fait, du roller. C'est-à-dire que, oui, le roller, à la base, il était là pour en faire quand il n'y avait plus de glace. C'est tout. Ah, attention, on va demander à Alexandre, il va peut-être pas être d'accord là, c'est lui qui va nous faire l'histoire du roller. Si, il faut lire ses articles justement, il en parle. Qu'est-ce qui arrive en premier, c'est le roller ou le patin à glace ? Non, d'abord le patin à glace, mais comme on n'avait pas beaucoup de glace en hiver, que suivant certains pays, ça fondait très vite, on s'est dit, il faut trouver une alternative. Donc on a inventé le roller en ligne, qui était vraiment une copie de la glace en fait, de la lame de glace. C'est pas nouveau du tout en fait, hein. Ce qui est nouveau, c'est le nouveau matériel qui existe depuis les années 90, parce que Peakskate a commencé à retravailler ça, mais ils ne sont pas les premiers à l'avoir fait, en fait. Voilà. Ok, alors donc maintenant, quels sont tes objectifs à proche et à long terme ? Alors, bah, toujours faire un max de podiums en compète. Je veux pas du tout arrêter la compète. Je veux jamais arrêter la compète. C'est ça qui est compliqué. Me prouver que je suis encore capable, que je suis pas trop vieille, que je peux continuer de m'exprimer à travers des chorégraphies, à monter des programmes, partager ma passion, transmettre. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal. Ouais. Et donc, comment tu fais pour les atteindre ? Ah bah, je bosse dur. Je sacrifie beaucoup de temps pour le faire. Je dis je sacrifie, ça peut sembler un peu négatif. Mais parce que dépend de ma famille aussi, par moment. Ça gonfle un peu mon mari de temps en temps. Je peux pas lui en vouloir. Là, par exemple, ce soir, tu vois, il est tout seul, il m'attend, il doit se languir de moi. Mais bon, il comprend et il me soutient dans ma passion, donc ça, c'est chouette. Et c'est chouette d'avoir quelqu'un qui comprend ça. Après, je sacrifie beaucoup de temps, je passe beaucoup de temps. Et même pour moi, des fois, c'est un peu chiant parce que j'ai pas le temps de faire tout ce que je veux non plus, malheureusement. J'aimerais tout faire à la fois, mais c'est pas possible. On a qu'une vie, on n'a pas assez de temps dans une journée, quoi. Mais alors, justement, moi, en fait, ma philosophie, c'est que quand je suis déçu de pas pouvoir tout faire, je me réjouis d'avoir fait le choix de ce que je préférais. Oui, c'est ça. Et puis, il y a un truc qui rentre en compte. Je reprends la question suivante qui est quel âge arrêteras-tu le roller ? Et je réponds jamais, en fait. Mais j'ai peur de cette blessure. J'ai peur de mal vieillir, en fait, et de plus pouvoir patiner à un moment. Et donc, si, c'est vraiment ma plus grosse trouille, hein, de plus avoir la possibilité de le faire. Et effectivement, bah, y a bien un moment où je pourrais plus, hein, malheureusement. Mais tu resteras sur le bord de la patinoire, tu fumeras ta cigarette et tu diras, hop là, tu me refais ton 3, et puis voilà. Et oui, voilà, je continuerai à transmettre, à l'enseigner. Mais des fois, je me pose la question, est-ce que je perds pas mon temps là-dedans ? Est-ce que je serai pas plus douée dans autre chose ? Tu vois, l'art, c'est quelque chose qui me touche aussi, c'est mon métier aussi. Et je l'enseigne, mais je pratique aussi à côté, hein, donc je sais que voilà, les gens de ma famille autour de moi me disent « Ouais, tu devrais t'investir plus en art qu'en patinage parce que t'es douée. » Mais j'en ai pas envie parce que l'art, je pourrais le faire si j'ai plus de jambes. Alors que le patin, quand j'aurai plus de jambes et que je serai trop vieille, ça risque d'être compliqué, quoi. Ouais, mais alors ça, on part encore sur la philosophie, mais... aux enfants, on leur dit « Mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Et en fait, des fois, on choisit pas ce qu'on veut faire, mais là où on est doué. Là où ça nous mène aussi, voilà, c'est ça, là où ça nous mène aussi. Et je pense que c'est pas forcément bon. Je préfère faire ce que j'ai envie de faire, même si je suis mauvais dedans. Ouais, c'est ça, ça me rend heureuse, et c'est pour ça que j'ai pas envie. Je chante faux comme c'est pas permis, mais quand je suis tout seul... Sous la douche, je peux chanter hein, si je veux. Et ça dérange personne. Et je me fais plaisir à reprendre une chanson. Et puis voilà. C'est ça. C'est un peu ça, quoi. Ouais. C'est un peu ça, ouais. Alors, quelle est la question que l'on te pose toujours et à laquelle tu en as marre de répondre ? Alors, c'est pas une question. Mais du coup, par méconnaissance, on confond glace, inline et quad. Et ça, c'est un truc qui m'énerve. Parce que c'est quand même trois disciplines vraiment distinctes, parce que souvent, tu sais, je discute, ça peut arriver de discuter avec les collègues de PS au boulot, du coup, on parle sport, forcément, et ils me demandent, ah ouais, tu fais du sport, toi ? Je dis, bah ouais, je fais du sport, je fais du patinage artistique. Ah ouais, mais à la patinoire à Bordeaux, là ? Non, sur roller. Ah ouais, sur les quads. Non, sur des inline. C'est vrai que c'est toujours hyper chiant, tu vois, d'être obligé de préciser que c'est du inline artistique. Ah bon, mais ça existe. Oui, ça existe en fait, mais c'est juste pas très connu. Ouais, non, mais c'est vrai que. Bah, faut pas leur en vouloir. En même temps, c'est pas du tout médiatisé, donc forcément. Bon. Tout à fait. Et bah, tu vois, la question que je viens de te poser, quelle est la question que je te poserai après, c'est quelle est la question que l'on ne te pose jamais et que tu aimerais bien que l'on te pose. C'est tiré d'un autre podcast que j'écoute, qui s'appelle Scepticisme scientifique. Ouais. Et à chaque fois, en fait, que je parle de scepticisme scientifique, il faut que j'explique ce que c'est que le scepticisme scientifique et ce que c'est que la zététique. Et effectivement, c'est très très très très lourd d'expliquer à chaque fois les mêmes choses. Et donc c'est pour ça, écoutez des podcasts dans lesquels on parle de choses que vous connaissez, comme le roller. Et même là, tu vois, dans ce podcast, je t'ai demandé de repréciser ce que c'était la WIFSA, et etc. Il y a plein de choses que moi, je connais peut-être un petit peu la WIFSA parce que je baigne un petit peu dans le patinage artistique à cause de Céline, ou grâce à Céline. Ouais. Mais demain, je vais aller interroger quelqu'un qui fait du hockey. Et ben, je vais lui demander les différences entre le rink hockey et le hockey sur gazon, enfin, je sais pas, et tout ça, quoi. Ouais. Et donc, ouais. Donc voilà, donc on en arrive à la fameuse question. Quelle est la question que l'on ne te pose jamais et que tu aimerais bien que l'on te pose ? Ben, je sais pas. Franchement. tu fais du inline artistique, mais je connais. Ah ouais, mais dans quelle division? C'est ça. Ouais, ça arrive jamais, bon. Ce genre de questions, mais bon, bien des fois que ça arrive, effectivement. Non, j'ai pas d'idée sur ce... On me pose pas souvent des questions, en fait. Ah, bah oui, ok. Bon alors, est-ce que tu aurais une astuce pour les rollers, la préparation du matériel, la nourriture avant une compétition ou autre chose ? Bah comme je disais, ouais, je suis une accro du matos, j'aime en parler, décortiquer les patins, comprendre comment ça fonctionne, donc c'est important que les patineurs connaissent leurs patins et connaissent leur matériel, et j'en vois encore beaucoup trop qui s'y intéressent pas du tout en fait, qui le comprennent pas le fonctionnement d'un roller. Donc moi, ce que je fais quand j'ai des petites nouvelles qui arrivent avec des inlines, ben, je leur fais démonter leurs patins, en fait. Direct. Dès le premier cours, allez, tu vas démonter une roue, tu vas regarder comment c'est fait. Non, mais c'est vrai. Et demain, tu me le refais les yeux fermés. C'est ça. Après-demain, on commence, je te mets un bandeau sur les yeux et tu démontras une arme. Non, mais c'est hyper important de comprendre les visseries d'un roller, parce que comme je disais, c'est pas une lame de glace, donc c'est quand même plus complexe, et même pour les petites, c'est important qu'elles comprennent comment ça fonctionne. Donc il faut prendre soin de son matériel, ça coûte cher, hein, des rollers, ça coûte cher des bons roulements, ça coûte cher des bonnes roues, surtout en artistique, on n'a pas trop le choix, il n'y a pas beaucoup de concurrence, donc c'est d'autant plus cher. Là, je vois les dernières roues qui sont sorties, elles sont à 70€. Enfin, c'est juste n'importe quoi. C'est vraiment une blinde pour 6 roues. Et on n'en change pas tous les 3 mois. Donc, voilà, il faut faire attention à son matériel, effectivement, et en prendre soin. Après, moi, à titre perso, je prépare rien de particulier. Hein. J'ai vraiment une vie d'adulte travailleuse classique. Hein. J'ai pas un régime d'athlète, clairement pas. Faudrait peut-être que j'y songe des fois, parce que bon, j'aime trop manger. Mais ouais, avant les compètes classiques, hein, plate pâte la veille, et puis compote banane avant de patiner, et puis on se met pas trop la pression, quoi, en fait. On se met pas la pression, alors que tu cherches à faire un podium ? Ouais, je me mets la pression avant, pendant la saison, mais pas le jour de la compète. Le jour D'accord, de la compète, okay. Je veux faire quelque chose de propre, de bien. Je veux me faire plaisir. Surtout, en fait. Il y a quelques temps, ouais, il y a quelques années, quand j'avais des objectifs très précis où je me mettais vraiment la pression. Quand t'es petit, tu te mets vraiment la pression parce que t'as un niveau national et tu peux pas te permettre de régresser ou, tu vois... Ah, si tu rates ta réception sur ton Axel, là, voilà. Ça va mal se passer, c'est là. C'est clair, non, t'as une vraie pression, alors que là, en tant qu'adulte, tu le fais pour le fun, quoi. Donc, ouais. T'as pas cette même pression, en fait. Je me mets quand même la pression, hein. Il y a quand même du bon stress, mais pas au point de m'en rendre malade, quoi. Comme ça a pu l'être autrefois. Ouais. Alors, je vais rebondir sur ce que tu as dit avant. En fait, c'est la première séance où tu fais démonter le matériel aux enfants. Ouais. La première séance. Première séance. Mais mes petites patineuses que j'ai récupérées du BSG, première séance, je leur avais amené mes rollers pour leur prêter. Je leur ai fait démonter une roue à toutes les deux. Allez, regarde comment c'est fait, comment ça tourne, qu'est-ce que c'est que ça, comment ça s'appelle, etc. Ouais. D'accord. Ouais. Ok. Du coup, elles savent faire maintenant quand elles ont un problème. Je dis, j'ai une roue qui bouge bizarre là. Je dis, vérifie tes axes. Et elles vont le faire toutes seules. Elles savent quels outils il faut prendre, comment il faut vérifier, etc. D'accord, ok. Et donc, avant même qu'elle sache patiner, elle savait déjà démonter les rollers. Ouais. Okay. Bon, après, celle que j'ai récupérée, elle savait déjà un peu patiner. Donc, D'accord, ouais. Mais c'est ça, en fait, moi, ma question. Parce que moi, je vois. Je fais du loisir, moi, hein, des randonnées, des trucs comme ça. Et quand tu vois des personnes qui ont des roues qui ont déjà bien patiné, mais qui devraient les tourner, elles sont les, pas leurs tournées, roues. Voilà, c'est ça. Moi, mes petites, elles savent le faire. De, c'est ça. Ouais. Mm. À partir de quand tu dis à quelqu'un, mais occupe-toi de ton matos, quoi. C'est ça. Bah, sur un patineur adulte, moi, je parle du matériel dès le début, en fait. Ouais. Mes copines, les copines adultes qui se sont mises au roller, je leur ai envoyé tous les liens, j'ai fait des PDF à rallonge où j'explique tout, comment entretenir ses roues, comment tourner ses roues, quand tourner ses roues, comment nettoyer ses roulements, comment faire ci, comment faire ça. Il faut s'informer sur le matériel qu'on a et en prendre soin, encore une fois. Ouais. Mais on n'est pas tout. Je crois que je suis d'accord. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien aller me renseigner, lire un PDF. Mais il y a tellement de personnes qui en ont. Ah, il y en a qui n'ont rien à carrer. Hein, ça, c'est clair. Qu'on n'a rien à carrer. Mmh. Puis un PDF, c'est trop long. La vidéo, c'est ils savent pas chercher sur. Il y en a pas beaucoup. C'est ça. Il y en a pas beaucoup. Et en même temps, il y a des gens qui sont demandeurs quand même, donc c'est pour ça que je le fais. Et tu vois, ben dans le groupe Facebook Roller en ligne artistique France que j'ai créé, j'ai fait des fichiers comme ça avec des documents informatifs pour les gens qui ne connaissent pas la discipline et qui veulent apprendre les choses et qui veulent comprendre le matériel, quel matériel acheter, pourquoi, comment ça s'entretient, etc. Et ces gens-là le lisent et me remercient. Donc je sais que je suis utile quand même à des personnes. Et ça, c'est le principal, quoi. Ça, moi, c'est ce que je fais dans mon métier. Quand il y a une chose que quand je me pose la question sur quelque chose, en fait, je me dis, hop là, je ne dois pas être le premier à me poser cette question. Ben, c'est ça. Je ne serai sûrement pas le dernier. Donc là, ça vaut le coup que je fasse un tuto et tout le monde pourra en profiter le moment venu. Mais il y a des gens qui se posent même pas la question, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui vont même pas chercher, en fait, qui vont même pas demander à Google. Oui, bah c'est vrai, on est d'accord. Ah ouais. Bon, là, ça pose problème, effectivement. Mais, mais je connais des athlètes et j'ai discuté avec des athlètes dans le roller. Qui savent pas faire la différence entre leur matériel, qui savent pas faire la différence entre leur dureté de roue, et je trouve ça grave. Des athlètes de haut niveau, des athlètes en national, des athlètes. Surtout que oui, en artistique, suivant le sol sur lequel tu roules, tu vas pas mettre la même dureté de roue. Non, mais c'est ça. Mais il y a 2 ans, 2019, il y avait les championnats de France d'inline artistique à Gujan. J'y suis allée parce que c'était à côté de chez moi. Et puis, je voulais voir qu'on patine line de bon niveau avec des patineurs élites, tu vois, des patineurs nationaux qui ont bon niveau. Donc, c'était l'occasion de rencontrer Serena Giraud, de rencontrer les Sister Ice, qui sont dans la même catégorie, qui sont en senior. Je me suis rendu compte que elles se sont toutes plantées le premier entraînement parce qu'elles avaient des roues trop dures et elles se sont toutes cassées la gueule, quoi, parce que le sol est hyper glissant. Et ouais, il leur fallait des roues plus molles. Donc, le premier programme, elles l'ont toutes foiré. Clairement, elles ont toutes fini sur le cul, sur quasiment tous les sauts et toutes les quarts profondes. Et elles ont changé de roue pour le deuxième programme, ça allait mieux, quoi. Oh là là, c'est les erreurs de débutants. C'est vraiment des erreurs connes et elles ont foiré leur premier programme à cause de ça, quoi. Alors que. On sait que c'est un sol glissant. Elles avaient la phase d'entraînement officielle avant. En plus, ouais. Elles auraient dû, tu vois, se dire « Bon, bah, peut-être qu'il me faut des roues qui accrochent plus, quoi. » Et il y a un gars sympa dans une des boutiques qui leur a dépanné des roues, quoi. Ouais. Mais heureusement qu'il y avait le gars de la boutique qui était là sur son stand à cette compète-là. Parce qu'elles n'ont même pas des roues de... Elles n'avaient pas prévu de roues, en plus, tu vois. Elles ne les avaient pas. Et puis, elles... Écoute, on a été obligé d'en venir à piocher dans les roues de hockey quand même pour faire de l'artistique. Parce qu'on n'en a pas assez et que les fabricants de roues d'inline artistique ne fabriquent pas assez. On est très limité en dureté. En dureté, on va avoir du 89, 86, 82 et c'est tout. Après, on est obligé d'aller piocher dans les roues de hockey. Ouais, donc il y a un vrai problème. Tu vois, ça se limite vraiment entre le 89 et le 82, mais plus elles n'existent pas, les roues plus molles. C'est toujours une question d'offre et de demande aussi. Hein. Bah ouais, c'est donc, ça. Bah ouais. Tant qu'il n'y aura pas une personne qui sera un petit peu médiatisée, qui fera évoluer avec une boîte qui fera évoluer le matériel. C'est ça. C'est pour ça que j'essaie d'écrire et de médiatiser et d'en parler et de discuter aussi avec les gérants des boutiques d'inline artistique. J'ai réussi à établir un vrai contact, un vrai réseau avec eux grâce au confinement, parce que toutes les boutiques d'artistique se sont mises à vendre de l'inline. Donc mes documents ont été super utiles pour eux, effectivement. Et les articles, je pense qu'ils, voilà, les articles sur Roller en ligne, ils ont été lus et relus et décortiqués. Et du coup, ils sont plusieurs. C'est-à-dire, au lieu d'avoir à l'époque une ou deux boutiques qui vendaient de l'inline artistique, maintenant on en a 5 ou 6 quoi, qui en vendent. Oh, on a doublé, cool, voire triplé. Ouais, c'est ça. Donc, c'est chouette. Ah, c'est chouette pour ça. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens quand tu fais du roller ? Comme je le disais tout à l'heure, je me sens invincible, quoi, libre, et j'adore la performance devant le public, quoi. C'est vraiment ça, en fait. Ce côté invincible, cette force, tu vois, tu te sens beau, te sens belle, en fait. Faut que tu patines sur moi. Ma chanson, c'était ma chanson du moment avant les matchs. C'était la chanson de Sia dans le dernier Spider-Man, I'm Invincible Today. Ouais. Ça te donne une confiance en toi, cette chanson. Il y a tellement de chansons sur lesquelles je veux patiner. En fait, j'ai pas assez d'une vie pour patiner sur toutes celles que je veux, malheureusement. Mais tu fais 2 programmes par année. En plus, il y a 2 compétitions. Voyons, c'est simple, oui, pourtant. Oui, bien sûr. Ça me prend juste des mois pour monter un programme. Mais... Je sais bien. Un de tes meilleurs souvenirs en roller ? Ma première compète inline. Ou comme je disais, mon premier essai sur les inline, en fait. La toute première fois où je suis montée sur les inline, quoi. La sensation de glisse dans la salle, c'était génial. J'adorais. En fait, c'était même plus agréable que sur glace. Sur glace, ce qui est chouette, c'est entendre la glace craquer sous la lame. Ça, c'est vraiment un truc qu'on adore tous sur glace. Le bruit de la glace, en fait, avec les lames. Mais ce que j'ai adoré, en fait... C'est ce souvenir auditif et cette sensation sous les pieds. La sensation, en fait, de rouler sur du velours, mais vraiment, c'est vraiment d'une douceur incroyable et pas un seul bruit. D'un silence absolu. Même quand tu sautes, en fait, ça fait « poum » comme ça, quand tu sautes en salle. C'est génial. J'étais allé voir un gala de patinage en quad artistique. Ah, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Ah vivement qu'ils mettent. Enfin, j'étais content qu'ils aient mis la musique, parce qu'à l'entraînement, on entend tout. C'est comme le derby, quoi. Le derby, le quad, ça fait du bruit. Les bruits comme c'est qui, pas permis, quoi. Les roues qui couinent, qui grissent. C'est affreux. Le bruit des sauts, que ça fait du bam et ça résonne dans toute la salle. Ça, c'est horrible. Alors qu'en inline, il n'y a pas un son et c'est génial parce que tu vois là, pour le coup, la musique. Elle embellit davantage encore le patinage et cette légèreté. Il n'y a pas de son, c'est super, quoi. J'adore, j'adore pour ça. J'adore ça pour ça. Et du coup, le bruit de la glace ne me manque pas. Voilà. Le bruit du silence, c'est pas mal. Les voitures électriques, c'est pas mal. Ah, le bruit du silence, c'est génial. Je te jure, quand il n'y a pas une seule patineuse en quad dans ma salle de roller, que je patine toute seule, il n'y a pas un bruit, quoi. Et ça doit être beaucoup plus reposant, en fait. Mais tellement, tellement. T'as besoin de moins crier pour te faire entendre. Ouais. Si on était tout en inline, ça serait tellement plus cool. Ouais. Bon. Voilà. Qu'est-ce que... Ouais. Donc, ton meilleur souvenir, c'est marrant, c'est une première fois. Et en même temps, c'était quand t'étais adulte. Donc, Donc, voilà. Donc, tu pourras peut-être en avoir un nouveau qui viendra un autre jour. J'espère. Je pense que j'en ai plein, plein d'autres à construire, en tout cas. Très bien. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter avant qu'on clôture cet épisode ? Je crois que j'ai tout dit. C'est parfait. Alors, si vous voulez rejoindre l'équipe du podcast, n'hésitez pas à me contacter via ma page Facebook ou directement sur le site de Roller en ligne ou sur le forum de Roller en ligne aussi. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires sur l'épisode. Parlez de ce podcast à vos amis, à vos ennemis, à vos compétiteurs, à vos élèves, à vos professeurs, à tous ceux que vous aimez et que vous n'aimez pas. Vous leur faites écouter les superbes interviews qu'on fait actuellement, les portraits de patineurs, portraits de patineuses ou autres. Et puis, ah oui, ça faisait longtemps que je n'avais pas dit, mais n'hésitez pas à faire un don à Roller en ligne. Vous allez tout en bas de la page parce que le lien du haut, il ne marche pas. Et puis, vous cliquez sur faire un don, puis vous vous laissez guider. Voilà, c'était Balade au Roller, le podcast de Roller en ligne, à écouter lors de vos balades en roller ou ailleurs.